Pourquoi les gens ont toujours peur de s'asseoir devant? Amen, amen. Je suis reconnaissant à Dieu. Avant même d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais dire merci à Papa Désiré pour l'amour, l'adoption et pour tout ce qu'il a cessé de faire toute cette semaine pour nous. Nous sommes très bien installés, nous passons une très bonne semaine et cela facilite beaucoup le travail. Papa, merci beaucoup pour l'amour et pour tout. Vraiment, nous sommes très frappés par cela. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer Dieu pour la vie de son serviteur? Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut mieux le faire, s'il vous plaît? Non, faisons-le très bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Toujours en étant debout, nous allons prendre 30 secondes pour prier. Recommander ces moments entre les mains de Dieu. Demander à Dieu sa grâce, son soutien et son amour, sa présence et sa force. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons ici bénir ton nom et reconnaître tes bontés. Ma prière est le vœu de mon cœur. Et que tu nous fasses grâce, que tu apportes dans nos vies quelque chose de nouveau et quelque chose de spécial. Que cette masterclass soit la masterclass qui nous amène dans une nouvelle dimension, qui nous introduit dans une nouvelle saison et qui nous amène à faire des grandes choses avec Dieu. Que ton esprit puisse mouvoir ici, que notre esprit puisse s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci de faire des grandes choses. Au nom de Jésus, amen. Acclamons Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette masterclass qui est l'un des moyens qui peut permettre à l'Église de pouvoir grandir et à des hommes de pouvoir être bâtis. Lorsque papa m'a donné ce thème, la force de l'appel spirituel et du potentiel entrepreneurial dans l'église locale, il m'a même demandé à plus d'une fois, est-ce que tu veux qu'on change? J'ai dit non. C'est un thème qui me parle beaucoup parce que par la grâce de Dieu, je ne suis pas que pasteur au niveau de la France et de l'Afrique. Le Seigneur m'a fait grâce de le servir un peu partout dans le monde entier, mais aussi d'évoluer dans l'entrepreneuriat. Au niveau de la France, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé pendant plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui. J'ai continué de travailler avec les plus grandes entreprises d'Europe. Sur beaucoup de volets, sur le recrutement, sur la formation et de manière personnelle dans les e-commerce, et on fait beaucoup de choses. J'ai appris récemment qu'en Afrique, parler d'argent et des chiffres, c'est un peu tabou, sauf dans la politique. C'est dans la politique qu'on peut parler de millions. Quand un homme d'affaires commence à parler d'argent, c'est très bizarre. Amen, amen. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment, je pense, dans mon esprit, la voix de Dieu pour amener une église locale, pour amener un chrétien, pour amener un pasteur à être puissant. C'est un grand levier de puissance, mais la pensée de l'entrepreneuriat est très élargie. Et tout au long de cette masterclass, nous serons en train de comprendre certaines choses très fondamentales et faire les liens ensuite en rapport avec l'église locale. Amen, amen. dans chaque leader, il est important de savoir que Dieu a toujours déposé des grâces qui sont rattachées à deux mondes dans la vie de chaque leader. Dieu a toujours rattaché une onction qui est liée au monde physique, mais aussi qui est liée au monde spirituel, au monde invisible. Lorsqu'on part dans le monde spirituel, on fait allusion au domaine de l'appel, à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est quelque chose d'abstrait. L'appel de Dieu est quelque chose qu'on ne peut voir. L'appel de Dieu est quelque chose d'invisible. Voilà pourquoi plusieurs dans la Bible, lorsqu'ils ont reçu l'appel, ils ont eu du mal à l'identifier ou à le cerner parce que l'appel émane du domaine de l'invisible. Mais dans l'homme et dans le leader, Dieu a aussi déposé quelque chose qui est rattaché au monde visible ou au monde physique. Et ce qui est rattaché au monde physique, c'est ce qu'on appelle le potentiel. L'appel est rattaché au monde spirituel, le potentiel est rattaché au monde physique. L'appel est rattaché au divin, le potentiel est rattaché à l'humain. L'appel est rattaché au ciel, le potentiel est rattaché à la terre. Mais ce n'est seulement lorsque les deux se rallient qu'on peut considérer qu'une personne devient une force imparable. Ce n'est seulement lorsque les deux sont conciliés qu'on peut considérer qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien est en train d'entrer dans le domaine de la puissance. Alléluia. Beaucoup ont l'appel de Dieu, mais il leur manque le potentiel. Beaucoup ont l'appel de Dieu, mais il leur manque des formes. Alléluia. Beaucoup ont le potentiel, mais aussi certains, ils ont le potentiel, mais ils ne sont pas encore conscients de leur appel. Le potentiel est là et ils ne réalisent pas que dans leur potentiel se cache un appel de Dieu. Nous avons aujourd'hui à l'église beaucoup appris à honorer l'appel. Et c'est une réalité de l'église corps du Christ. On honore l'appel. Je suis appelé de Dieu. J'ai une onction. Dieu m'a montré. Dieu m'a appelé. Mais on a souvent tendance à négliger le potentiel. Les potentiels, c'est ce que Dieu met en nous comme intelligence. Les potentiels, c'est ce que Dieu met en nous comme créativité. Les potentiels, c'est ce que Dieu met en nous comme sens de l'organisation. Les potentiels, c'est ce que Dieu met en nous comme leadership. Les potentiels, c'est cette capacité de pouvoir entreprendre. Les potentiels, c'est ce sens pratique de pouvoir faire des choses. Alléluia. Et pourtant, dans la Bible, Dieu n'a jamais utilisé un homme uniquement parce que cet homme était spirituel. Dieu a toujours veillé à ce que, autant que l'homme soit spirituel, qu'il puisse aussi être utilisable, qu'il puisse aussi avoir un certain potentiel. Moïse n'était pas seulement prophète. Moïse avait aussi une structure de l'idée dans la maison de Pharaon. Joseph n'était pas seulement un rêveur, n'était pas seulement un prophète, mais Joseph avait aussi l'intelligence de gérer. Joseph avait aussi l'intelligence économique de pouvoir conduire les choses, de pouvoir diriger une nation. David n'était pas seulement un adorateur, David était aussi un chef de guerre, David était aussi un gouverneur, David était aussi un roi, David était aussi quelqu'un qui était capable de pouvoir gérer. L'apôtre Paul n'était pas seulement un apôtre, c'était aussi un faiseur de tentes. La Bible déclare que c'était un homme qui faisait des tentes. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et je veux aussi nous confronter à une question ce matin. Alors que Dieu nous donne un appel, alors que Dieu nous donne un potentiel, la première question qui a à se poser ici, c'est: qu'as-tu fait de tout ce que Dieu a déposé dans ton appel pour que cet appel devienne visible, pour que cet appel puisse impacter l'église locale? Quelles sont les choses que ton appel a apporté au sein de l'église? Quelles sont les transformations dont ton appel a eu à apporter au sein de l'église? Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons définir les concepts. Lorsqu'on parle d'un appel, l'appel n'est pas une émotion, l'appel est un décret divin. Jérémie 1:5, Dieu dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'eusse sorti de son sein, Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Le verbe utilisé ici pour dire appeler, c'est kara en hébreu, qui veut dire convoquer, qui veut dire nommer, qui veut dire assigner, ou qui veut dire établir une fonction. Ça veut dire que l'appel de Dieu n'est pas une impression. L'appel de Dieu, ce n'est pas une saison émotionnelle. Ce n'est pas un temps où parce qu'on a des problèmes, on s'est dit je veux servir Dieu. L'appel de Dieu, c'est un décret que Dieu donne à la vie de quelqu'un, que Dieu donne à la destinée de quelqu'un. Et c'est très très fondamental et majeur. Lorsque vous regardez, vous remarquez ce texte, Dieu ne dit pas à Jérémie seulement que je t'ai appelé. Dieu commence par dire à Jérémie, je te connaissais. Je l'ai dit il y a quelques jours ici, qu'il y a une différence entre connaître quelqu'un et voir quelqu'un. Connaître quelqu'un, c'est évaluer quelqu'un. Connaître quelqu'un, c'est de connaître exactement la personne. C'est qu'avant que Dieu te confie une mission, Dieu t'avait étudié. Avant que Dieu te confie un appel, Dieu t'avait étudié. Il avait regardé si je peux faire en lui ce que je suis sur le point de faire. Il avait regardé si je peux avancer avec lui. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si Dieu te connaissait, si Dieu t'avait étudié, c'est que Dieu connaît aussi ton potentiel. C'est que Dieu ne t'appelle pas en ignorant ton potentiel. Dieu ne t'appelle pas en t'ignorant de ce que tu as au-delà de ton appel. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre l'appel et les potentiels. Lorsqu'on parle du potentiel, on parle aujourd'hui d'un des grands problèmes qui a amené beaucoup de déséquilibre à l'église. À l'église, on a des frères et sœurs qui sont spirituels, mais qui n'ont pas de structure. On a des frères et sœurs qui sont spirituels, mais qui n'ont aucune notion de leadership. On a des frères et sœurs qui sont braves, qui sont loyaux à côté du leader, mais ils n'ont aucun potentiel entrepreneurial de gérer l'administration de l'église. On a des gens qui aiment le Seigneur véritablement, mais ils sont faibles dans leur potentiel. On a exalté l'onction, mais on a négligé la compétence. On a exalté l'onction, mais on a négligé la capacité de faire. Pourtant, lorsque Dieu est en train d'appeler Bezalel, vous allez comprendre que dans l'appel de Bezalel, il n'y avait pas seulement les choses de l'esprit. Dans l'appel de Bezalel, il n'y avait pas seulement le parler en langue, la puissance, non. La Bible est clairement en train d'être Exode 13. Lorsque Dieu appelle Bezalel, il dit, « Je l'ai rempli, un, de l'esprit de Dieu, deux, de sagesse, trois, d'intelligence, quatre, de connaissance et cinq, de savoir-faire. » C'est que Dieu, dans l'appel de Bezalel, il prend le temps d'unir l'esprit et la sagesse. Il prend le temps d'unir la grâce et la technique. Il prend le temps d'unir l'onction et le savoir-faire. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui les potentiels entrepreneuriales. Alléluia. Le potentiel entrepreneurial, ce n'est pas d'abord la capacité de faire l'argent. Parce que lorsque on parle du potentiel entrepreneurial, les gens se projettent tout de suite en faisant l'argent. Le potentiel entrepreneurial qui doit avoir un impact à l'église n'est pas d'abord en rapport avec le fait de faire du business. Alléluia. C'est d'abord cette capacité intérieure donnée par Dieu afin de pouvoir organiser, afin de pouvoir innover, afin de pouvoir bâtir, afin de pouvoir gérer. Et ensuite, afin de pouvoir faire fructifier ce que Dieu nous a confié. Alléluia. Et tant que ce potentiel restera endormi, ton appel sera théorique. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a un grand drame à l'église. Le drame qu'il y a à l'église, c'est que nous avons des appels très forts et nous avons des structures faibles. Nous avons des appels très forts et nous avons des gens, des églises qui ne sont pas très très bien structurées parce que le potentiel est négligé. Lorsque vous regardez le livre de Actes, l'église primitive connaissait déjà des miracles. L'église primitive connaissait déjà des guérisons. L'église primitive connaissait déjà des délivrances. L'église primitive connaissait déjà des conversions massives. Mais quand vous arrivez dans Actes 6, vous allez voir qu'il y a un problème qui a commencé à menacer la croissance. Quel est ce problème qui menace la croissance? C'est un problème d'organisation. Quel est ce problème qui menace la croissance? C'est que les apôtres se rendent compte qu'ils sont en train de tout faire eux-mêmes. Ils se rendent compte qu'ils sont dans un monde, mais il n'y a pas de structure. Et cela crée la frustration. Cela crée l'injustice. Cela crée les déséquilibres au sein de l'Église parce qu'ils se sont attardés aux choses de l'esprit, mais ils ont négligé ce potentiel entrepreneurial de pouvoir bien structurer les choses. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, même dans Actes 6, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Choisissons parmi nous. C'est-à-dire, ils ne prient pas seulement pour l'onction. Ils ne font pas seulement une veillée pour que les veuves deviennent plus sensibles. Mais ils ont décidé de réorganiser l'Église. Ils ont décidé de faire des choses de manière organisée. Et en faisant des choses de manière organisée, plus tard, la Bible est en train de dire que l'Église commençait à grandir. L'Église commençait à se développer. L'Église commençait à aller de l'avant. Beaucoup de nos assemblées aujourd'hui manquent pas de feu. Beaucoup de nos assemblées aujourd'hui ne manquent pas des hommes et des femmes de prière. Beaucoup de nos assemblées aujourd'hui ne manquent pas d'entrepreneurs. Mais nous manquons des hommes et des femmes capables de pouvoir apporter un plus-value dans la structure. Capables de pouvoir apporter un plus-value qui va marier l'appel, mais aussi le potentiel. Alléluia. Et ce matin, je veux déposer dans ton esprit quelque chose de très fort. C'est que Dieu ne t'a pas donné un appel pour seulement que tu restes dans le spirituel. Dieu t'a donné un appel, mais il t'a aussi donné un potentiel pour qu'au travers de cet appel et de ce potentiel, que tu arrives à apporter un impact réel dans l'église locale et faire avancer ton église. L'église ne va pas s'avancer avec les anges. L'église ne va pas progresser avec les esprits. L'église progresse avec des hommes spirituels. Donne-moi un amen. Mais l'église progresse aussi avec des hommes qui ont un potentiel entrepreneurial capable de les aider à pouvoir avancer. Ce matin, nous allons voir ensemble trois choses importantes. La première des choses, c'est que réellement l'appel spirituel, comment Dieu conçoit l'appel spirituel, comment Dieu voit un appel spirituel, qu'est-ce qui constitue un appel spirituel. Deuxièmement, nous allons voir ensemble c'est quoi le potentiel entrepreneurial dans la pensée de Dieu. C'est non pas comme un simple business, mais comme une capacité divine à bâtir. Que je ne veux pas seulement te parler des affaires, je veux aussi te parler du potentiel entrepreneurial comme une capacité à bâtir. Peut-être en bonus, je veux donner 2-3 secrets pour te permettre de quitter à zéro et de faire des millions de dollars dans les affaires. Ça, c'est une question que je veux répondre, mais à la fin. Et troisièmement, nous allons voir comment ces deux dimensions, c'est-à-dire la dimension de l'appel et la dimension du potentiel, s'alignent pour transformer radicalement une église locale dans sa structure, dans sa croissance, dans son impact et dans sa stabilité. Et ma prière de ce matin, c'est qu'on sorte de cette masterclass avec quelque chose de bénéfique, avec quelque chose qui va nous aider à avancer. Que tu ne te contentes plus à dire seulement que je suis appelé, j'ai un appel de Dieu, mais que tu parviennes à dire, je mets désormais tout mon potentiel au service de cet appel pour que mon église locale ressente ma présence, ressente le fruit de mon appel et que mon église puisse avancer. Acclame le Seigneur. La première partie de cet enseignement, c'est comprendre l'appel spirituel. Comprendre l'appel spirituel. L'appel spirituel est aujourd'hui l'une des réalités les plus mal comprises de l'Église. Nous avons réduit l'appel à des émotions. Nous avons réduit l'appel à des sensations. Nous avons réduit l'appel au fait de faire un songe. Alors que lorsque la Bible parle de l'appel, la Bible présente l'appel comme une architecture spirituelle complète. La Bible présente l'appel comme un acte souverain des dieux. L'appel dans la pensée des dieux est plus expliqué dans ce texte que nous avons lu de Jérémie 1:5. J'aimerais le relire. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Pour comprendre l'appel, nous allons analyser ce verset. La première phrase ici que Dieu utilise, c'est « Je te connaissais, Yada », qui ne signifie pas « J'étais au courant ». Mais quand la Bible dit « Je te connaissais », c'est-à-dire « Connaître profondément ». Quand la Bible dit « Je te connaissais », c'est-à-dire « Discerner intérieurement ». Quand la Bible dit « Je te connaissais », c'est-à-dire « Évaluer la constitution d'une personne ». Quand la Bible dit « Je te connaissais », c'est-à-dire « Analyser les fibres internes de quelqu'un ». Analyser les choses qu'une personne est capable de faire. C'est le même terme que Dieu avait utilisé pour Abraham dans Genèse 18 quand il dit « Je l'ai connu », c'est-à-dire « Je l'ai examiné, j'ai eu à l'éprouver ». C'est-à-dire qu'avant que Dieu t'appelle, Dieu avait d'abord eu les soins de t'étudier pour savoir si exactement tu peux répondre à l'appel. Mais dans ce verset, il n'y a pas seulement la phrase « Je te connaissais ». Il y a aussi « Je t'ai consacré ». Consacré veut dire distinguer. Consacré veut dire mettre à part. Consacré veut dire séparer d'un usage ordinaire à un usage bien précis. Cela veut dire que ton appel n'est pas né sur la terre. Ce n'est pas lorsque tu arrives à l'ICACI, on te dit qu'il y a une église sous féconde, tu commences à fréquenter l'église, on fait un appel au service, tu entres. Non, non, non, ton appel n'est pas né de la terre. Ton appel n'est pas né des hommes. Ton appel n'est pas né d'un culte où on t'a prophétisé, on t'a dit « Frère, je vois l'appel de Dieu ». Non, ton appel n'est pas né là. Ton appel vient d'un décret éternel de Dieu. Ton appel vient d'un décret divin de Dieu. Et Dieu ne dit pas seulement que je te connaissais, il pousse encore les bouchons plus loin pour dire « Je t'avais établi prophète ». Prophète, le terme prophète ici c'est Nabi, qui veut dire celui qui exprime ce qu'il contient. C'est-à-dire, je t'ai établi quelqu'un qui va exprimer ce qu'il y a au-dedans de toi, qui va exprimer ce que j'ai déposé au toi. Ce mot Nabi est en train de porter déjà un potentiel interne, un réservoir, un contenu. C'est-à-dire, Dieu n'appelle jamais un contenant vide. Dieu n'appelle jamais ce qu'il n'a pas rempli. Ton appel n'est pas seulement une mission extérieure. Ton appel, c'est aussi une révélation intérieure de ce qui est dans le cœur de Dieu, du programme de Dieu par rapport au dessein qu'il a prévu pour ta destinée. Alléluia. C'est que l'appel ne fonctionne qu'avec un intérieur qui est défini. Donne-moi un amen bien. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dieu ne peut pas t'appeler sans te remplir. Plusieurs personnes dans la Bible se sont posées ce genre de questions. Moïse s'est posé la question pour dire « Qu'est-ce que je vais dire ?» Dieu a dit « Je prendrai mes paroles et je veux les déposer dans ta bouche. » Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu prend les soins de les remplir. D'ailleurs, notre texte de base de Juge, je suis tombé amoureux de ce texte-là. Je médite ça à l'envers, debout. Donc, je suis en train d'étudier Juge maintenant comme un fou. Oui, papa, merci. Alléluia. Donc j'étudie ces livres-là, je peux sortir même 15 000 prédications. Alléluia. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu dépose quelque chose en toi. Ça, c'est une vérité fondamentale. Mais l'appel de Dieu ne fonctionne aussi qu'avec un territoire ou un emplacement précis. Alléluia. Toute personne appelée à un peuple, toute personne appelée à un contexte, toute personne appelée à une génération, toute personne appelée à un espace d'influence. L'appel de Dieu ne doit pas t'amener à un désordre. L'appel de Dieu ne doit pas t'amener au libertinage. L'appel de Dieu ne doit pas t'amener à être partout au même endroit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lorsque Dieu te donne un appel, Dieu identifie cet appel à un environnement. Dieu identifie cet appel à une église locale. La Bible est en train de dire que Dieu est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël, de tout un peuple. Mais dans Israël, il y avait ceux il y avait ceux de Ruben, il y avait ceux d'Issacar, il y avait ceux de Manassé, il y avait ceux d'Éphraïm. On est tous sous la couverture d'un seul Dieu, mais Dieu nous a placés dans différents peuples. Quand Dieu te donne un appel, Dieu vient te positionner dans une église locale. Dieu ne peut pas t'appeler pour que tu dises non, je sers à Sousse-Fréquence, j'ai l'appel de Dieu à Sousse-Fréquence, j'ai aussi l'appel de Dieu, c'est quoi encore d'autres églises ici? Hein? J'ai l'appel de Dieu à JDL, j'ai l'appel de Dieu à Rama. Toi seul, ton appel va, tu sers ici, tu sers à Rama, tu es trop fort. Hein? Alléluia. Donc l'appel de Dieu ne doit pas t'amener à un désordre. L'appel de Dieu doit t'amener à être dans une église locale où tu vas évoluer dans ton appel. Tu ne sais pas parce que tu as reçu l'appel de Dieu que tu dois commencer à t'éparpiller. Même lorsque vous lisez l'histoire des hommes que Dieu a utilisés, Moïse a été rattaché à Israël, Jonas a été rattaché à Ninive, Paul a été envoyé dans les nations, Jésus au début a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël, Jean-Baptiste a été envoyé au désert, Samuel a été envoyé dans la maison d'Élie, David a été envoyé pour travailler avec les enfants d'Israël et même dans les nations. Donc ce sont des choses qui sont très très importantes à savoir, c'est que mon appel est rattaché à une église locale. Mon appel est rattaché à un environnement qui est bien spécifique. Alléluia. Parce que c'est dans cet environnement que tu vas permettre à grandir dans ton appel. Tu vas permettre à grandir, parce que l'appel ne grandit pas. C'est toi qui grandis dans l'appel. La Bible est en train de dire tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Ce que Dieu te donne, c'est parfait. Mais parce que toi, tu es imparfait, c'est toi qui dois grandir dans la perfection. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très, très important. Une autre vérité par rapport à l'appel, c'est qu'en parlant du fait que l'appel est rattaché à une église locale et à l'environnement, l'appel, c'est aussi une... Pourquoi? Parce que l'appel, c'est aussi une responsabilité communautaire. L'appel n'est pas seulement personnel. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas seulement toi seul. L'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est aussi une responsabilité communautaire. La Bible est en train de dire dans Actes 13, 2, lors de l'appel de Paul et Barnabas, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous allez voir que dans cet appel, il y a beaucoup de parties prenantes. Premièrement, c'est Dieu qui appelle. Mais lorsque Dieu appelle, c'est qui reconnaît? C'est l'Église qui reconnaît. Lorsque Dieu appelle, c'est qui valide? C'est la communauté qui valide. Lorsque Dieu appelle, c'est qui accompagne? C'est les anciens qui accompagnent. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes. L'appel de Dieu, ce n'est pas une carrière spirituelle isolée. L'appel de Dieu, c'est un service au corps de Christ. Tu ne peux pas dire que tu as l'appel et devenir indépendant. Tu ne peux pas dire que tu as l'appel et devenir autonome. Dans la Bible, le profil ou encore le modèle parfait d'un ministre de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, c'est le seul dont la Bible a décrit un tout petit peu, un peu tout son parcours. Lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, on parle de sa conversion dans Actes 9. On montre comment est-ce que Paul a rencontré Jésus. Lui-même, il dit, je l'ai rencontré, il a vu le Seigneur. Après avoir rencontré Jésus, il est allé au désert d'Arabie. Et du désert, Barnabas y allait le chercher. Dans Acte 11, Barnabas l'amène dans l'église d'Antioche. Malgré le fait qu'il avait reçu l'appel de Dieu, malgré le fait qu'il avait rencontré le Seigneur, mais la Bible va plus loin pour dire qu'il servait à l'église locale. Il avait reçu l'appel, mais son appel n'était pas isolé. Son appel ne l'a pas rendu autonome. Son appel ne l'a pas rendu libre. Un jour, j'ai rencontré un chantre. Je lui ai dit, mais toi, c'est quoi ton église? Parce que je voulais l'inviter. Et j'ai demandé, c'est quoi, tu pries où? Il m'a dit, en tout cas, moi, je suis un serviteur du corps du Christ. J'ai dit, non. Ça, c'est du désordre. Dieu nous a tous appelés pour le corps du Christ. Tu penses que toi, quand tu dis, je suis un serviteur du corps du Christ, je te vois spécial. Non. Tu dois avoir une église locale parce que ton appel n'est pas isolé et je ne l'ai pas invité parce que j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris les choses de l'esprit et il ne va pas aller loin. Alléluia. Un appel qui va loin, c'est un appel qui est bâti. Paul aurait pu dire, j'ai rencontré Jésus, j'ai vu personnellement Jésus, je m'en fous de l'église. Non. Pourquoi? Parce que l'appel grandit au sein de l'église. L'appel se développe au sein de l'église. C'est dans l'église locale où on est bâti. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont devenues des grands, grands serviteurs de Dieu, ils te diront que ils ont été dans une église locale. Ils ont servi dans une église locale. Avant de devenir aujourd'hui apôtre, avant de bâtir des églises, j'étais dans mon église locale à Logosrema. Je servais là-bas, j'étais serviteur là-bas, j'évoluais là-bas. Et c'est ça qui bâtit la vie d'un homme. La vie d'un homme, et la force du parcours est aussi rattachée à l'histoire du parcours. La force de ton parcours est aussi rattachée au comme l'apôtre Paul peut dire, aux signes, aux marques qui sont rattachés à ton appel. Si tu as un grand appel, tu dois accepter le parcours de l'appel. Tu dois accepter que Dieu te fasse passer par un chemin. Tu dois accepter de commencer au plus bas pour commencer à monter. Et tous ceux qui sont entrés dans leur appel, ils n'ont jamais commencé dans l'appel de prédilection. Ils ont toujours commencé quelque part dans l'église locale. Donne-moi un amen bien. C'est les protocoles de Dieu. Parce que quand l'Esprit parle aux anciens, ce texte, si vous le lisez minutieusement, ça va vous intriguer. La Bible est en train de dire, à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de servir le Seigneur. Mais quelques versets après, la Bible dit quoi? L'Esprit parle aux anciens pour dire quoi? Mettez-moi à part Paul et Barnabas, pourquoi? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais qu'est-ce que Paul et Barnabas faisaient avant? Si c'est maintenant qu'ils doivent commencer le ministère, leur appel, ils faisaient quoi avant? Ils étaient en train de servir. C'est que pour pouvoir entrer dans ce que Dieu t'appelle, tu dois passer par le service. Si tu poses la question à tous les grands hommes de Dieu, ils te diront, même papa, si tu demandes son histoire, il va te dire qu'avant d'être aujourd'hui ce qu'il est, il a été quelque part. Il a eu à faire des choses. Il a eu à passer par un chemin. Hier même, il nous donnait la date de son baptême en 91. Il n'a jamais oublié ça. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle l'appel de Dieu. C'est ça qui constitue l'appel de Dieu. C'est quelque chose de spirituel et d'abstrait que Dieu t'appelle pour accomplir un mandat dans un environnement bien spécifique. Un mandat dans un lieu donné, un mandat au sein de l'église locale. Et nous avions eu la deuxième dimension de cet enseignement, c'est de nous amener à comprendre ce qu'on appelle le potentiel entrepreneurial. Je vais enseigner, mais je vais aussi laisser le temps pour des questions afin d'enrichir cet enseignement. Hein? Alléluia. Acclame encore Jésus. Donc, après avoir compris c'est quoi l'appel, nous allons comprendre ici c'est quoi un potentiel entrepreneurial. Dans mon introduction, j'ai dit que la vie d'un homme est rattachée à deux dimensions ou à deux mondes. Le monde spirituel qui constitue son appel, mais aussi le monde physique qui constitue son potentiel. J'ai dit que le monde, l'appel est rattaché à la spiritualité, à l'invisible. Dans le monde visible, on ne parle pas de l'appel, mais on parle du langage du potentiel. Le potentiel entrepreneurial, c'est la dimension terrestre du leadership. Beaucoup de personnes croient que le terme entrepreneurial est un mot qui est moderne, qu'on plaque dans l'église. Non. Lorsqu'on lit avec attention dans la Bible, on se rend compte que Dieu a toujours travaillé avec des hommes et des femmes qui ont un potentiel entrepreneurial. Même s'ils n'étaient pas appelés comme cela, mais Dieu a toujours travaillé avec des hommes et des femmes qui avaient un potentiel entrepreneurial. Le potentiel entrepreneurial, ce n'est pas une activité économique. Le potentiel entrepreneurial n'est pas d'abord une activité économique. Le potentiel entrepreneurial, c'est d'abord une capacité. Lorsqu'on parle du potentiel entrepreneurial, on parle d'abord des capacités. Capacité de quoi? 1. Capacité de bâtir. 2. Capacité d'organiser. 3. Capacité de structurer. 4. Capacité de gérer. 5. capacité d'exécuter. 6, capacité de multiplier la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Et lorsque Dieu te donne l'appel, Dieu te donne aussi ses capacités pour pouvoir accomplir cet appel. Lorsque je vous ai parlé de Bezalel, nous allons encore revenir sur Bezalel, parce que Bezalel est le modèle parfait du potentiel entrepreneurial dans la Bible. Tous mes 3 enfants portent leur 2e prénom, c'est des Bezalel. Donc ils ont un prénom, mais tous les 3, c'est Lucia Bezalel, Joseph Bezalel et Renaya Bezalel. Parce que Bezalel est un modèle parfait d'un homme qui concilie l'appel de Dieu et les potentiels entrepreneuriales. Lisons rapidement Exode 31 au 3e verset. Exode 31. On ne change pas l'équipe qui gagne. Exode 31, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Très bien. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de Non, arrête-toi juste là. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la dimension de l'appel. Mais virgule, dès que la virgule passe, on entre maintenant dans les potentiels entrepreneuriales. Il dit, je l'ai rempli de sagesse, okma. Je l'ai rempli d'intelligence, bina. Je l'ai rempli de connaissance, da'a. Et je l'ai rempli de savoir-faire, melakna. Savoir fonctionner. C'est que Dieu n'a pas seulement pris la peine de l'apparaître à la nuit pour dire, non, je t'appelle. Non, Dieu a eu aussi la peine de les rendre habiles à faire quelque chose. Dieu a eu aussi la peine de les rendre habiles à exécuter quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est un déséquilibre énorme d'être un chrétien, d'être un homme de Dieu, d'être un leader, un futur pasteur qui est seulement rattaché aux choses de l'esprit. Je suis allergique à ça. Lorsque quelqu'un est trop dans la spiritualité, mais il ne comprend pas que dans son appel, il y a aussi un potentiel entrepreneurial qui peut amener les choses à aller beaucoup plus vite. Alléluia. Alléluia. Ce verset n'est pas seulement une description. Ce verset, c'est une révélation de comment Dieu prépare un leader complet. Ce verset, c'est une révélation de comment Dieu prépare un leader équipé. Ce verset, c'est une révélation de comment Dieu prépare un homme fort, un homme puissant. Moi, on amène bien. Et nous allons voir chaque définition des termes ici que Dieu est en train d'utiliser. En dehors de l'Esprit de Dieu où on parle, où, qui concerne l'appel, il commence par dire quoi? Je l'ai rempli de sagesse. En hébreu, lorsque vous lisez la version hébraïque, on ne parle pas de sagesse, on parle d'un mot qu'on appelle okma. Okma, si vous les traduisez de manière littéraire, on parle de sagesse créative. On ne parle pas seulement de la sagesse. On parle de la sagesse créative, la sagesse de créer, la capacité de créer. Dans la vie de chaque homme, Dieu a donné une capacité de pouvoir créer. La Bible est en train de dire, lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'homme? Dieu dit à la Trinité quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au moment où Dieu est en train de parler, le monde n'avait pas encore plusieurs révélations de Dieu. C'est-à-dire dans ce texte-là, comme Moïse l'écrit, avant ce texte, l'une des révélations de l'image et de la ressemblance parfaite de Dieu, c'était dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. Quand Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image, Dieu était en train de dire, faisons que l'homme ait aussi les hokma. Pourquoi? Parce que au commencement, moi j'ai créé l'homme qu'on va créer, faisons en sorte qu'il ait aussi en lui la capacité de créer. C'est que la créativité ou l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est quelque chose qu'on développe à l'école. Mais ce sont des capacités intrinsèques dans l'homme. Dans tout, en toi, il y a la capacité de créer. Le reflet de Dieu, ce n'est pas seulement la sanctification. D'ailleurs, Dieu n'est pas saint. Le reflet de Dieu, ce n'est pas seulement la prière. Le reflet de Dieu, ce n'est pas seulement être un homme spirituel. Non, le reflet de Dieu, c'est aussi d'être entrepreneur. Le reflet de Dieu, c'est aussi d'être créatif. Parce que la créativité, c'est l'une des choses qui démontre aussi que tu appartiens à Dieu. Donne-moi la main bien. Et déjà déposé en lui le hokma, la sagesse de créer, la sagesse de concevoir, la capacité de faire des nouvelles choses, de maîtriser un métier, l'intelligence technique, l'excellence dans l'art de bâtir. La créativité est quelque chose de très fort. Chaque personne qui veut grandir dans son potentiel entrepreneurial doit comprendre la dimension de la créativité. La créativité aujourd'hui a beaucoup d'avantages. Premier avantage de la créativité, c'est que la créativité te permet d'être pionnier. Celui qui crée devient pionnier. Si tu crées quelque chose, tu vas devenir pionnier. Et généralement, les pionniers dans quelque chose commencent avec un coût amoindri. Mais le deuxième avantage de la créativité, c'est que la créativité ne te permet pas seulement d'être pionnier, mais la créativité te permet aussi d'être meilleur. Alléluia. Quelqu'un qui est créatif, qui a des potentiels de créativité, ne sera pas seulement pionnier, mais il sera aussi meilleur. Parce qu'il se peut qu'il ne soit pas pionnier dans un domaine, mais au travers de la créativité, qu'il devienne meilleur. Quand j'enseigne des hommes d'affaires, je leur dis, il n'existe pas de marché saturé. Un homme d'affaires chevronnier, un homme d'affaires aiguisé, ne peut jamais sortir de sa bouche le marché saturé. Jamais il peut dire ça. Le marché n'est jamais saturé. Ce sont les têtes des gens qui sont saturées. Le marché a toujours des ouvertures. Mais si ta tête est saturée, tu n'auras jamais d'ouverture. Alléluia. Alléluia. Une personne créative ne deviendra pas seulement pionnier, mais il deviendra meilleur. Aujourd'hui, on parle d'un réseau social qu'on appelle Facebook. Mais est-ce que vous savez que Facebook, ce n'est pas le premier réseau social? Avant Facebook, il existe un réseau social qu'on appelait MySpace. Certains peuvent le connaître. MySpace, c'est un réseau social qui date de très longtemps, 2004 ou 2002. Quand Facebook est arrivé, qu'est-ce que Facebook a fait? Facebook a regardé MySpace. MySpace était un réseau social, il n'y avait pas de photos. Les gens échangeaient juste par message, mais ils pouvaient échanger dans le monde entier. Facebook a dit, qu'est-ce que je peux faire en mieux? Qu'est-ce que je peux apporter en mieux pour battre MySpace? Facebook a dit non. Moi, je ne veux pas seulement faire des réseaux sociaux de communication. Je veux mettre des photos, je veux mettre des vidéos, je veux mettre des marketing, je veux mettre des offres d'emploi, je veux mettre des appels vidéo, je veux mettre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Facebook est devenu incontournable. Pourquoi? Parce que Facebook a amené la créativité. Alléluia. Et pareil dans les opérateurs de recherche. Aujourd'hui, tout le monde se concentre sur quel opérateur de recherche? Google. Mais avant Google, il n'y avait pas Google. Il y avait un opérateur de recherche qui date de très longtemps qu'on appelle Yahoo. Mais le problème de Yahoo, c'est quoi? C'est que Yahoo, dans sa page d'accueil, quand tu cliques sur Yahoo, tu tombes sur beaucoup de choses. Des femmes nues, des motos, des voitures. Avant même de faire ce que tu faisais. Quand Google est arrivé, Google a dit, je dois chercher à voir qu'est-ce qui va me différencier ici. En apportant la créativité, Google a dit, non, moi je ne vais pas mettre les publicités avant. Moi je vais laisser une barre de recherche. Quand quelqu'un tape ce qu'il cherche, c'est après avoir trouvé ce qu'il cherche que je lui propose des publicités. Quelqu'un me suit? C'est que cette créativité a fait en sorte que Google passe premier, pas parce qu'il avait commencé les premiers, mais parce qu'il avait en lui une sagesse créative, le augment. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'une plateforme qu'on appelle Netflix. Qui connaît Netflix ici? En fait, Netflix s'est assis et réfléchi. Netflix a dit, si quelqu'un aime le cinéma, cette personne certainement aime le film. Si quelqu'un va tout le temps au cinéma, certainement cette personne aime le monde cinématographique. Au lieu de laisser les gens continuer à aller au cinéma, payer une facture par film, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux créer un abonnement où la personne paye un abonnement. Au lieu de regarder un film, il a accès à 15, à 300, à 500 films. Quelqu'un me suit? C'est que dans ce qui existe déjà, il a cherché un plus-value au travers de la créativité qui l'amène à se démarquer. Au travers de la créativité qui l'amène à devenir différent. J'avais une boutique et dans cette boutique, j'étais en train de vendre tout ce qui est fitness à domicile. Donc une, tout ce qui est fitness à domicile et une autre, c'était tout ce qui est produit des bébés. Et dans le fitness à domicile, j'ai découvert un produit qu'on appelle la corde à sauter. Et dans cette corde à sauter, il y avait beaucoup de cordes à sauter. Mais pourquoi les gens devraient acheter cette corde à sauter? Parce que c'était une corde à sauter avec un compteur automatique. C'est qu'au lieu de compter, j'allais dire à l'africaine, mais je suis en Afrique, au lieu de compter à l'habituel 1, 2, 3, 4, la corde à sauter te fait un comptage automatique. Et pareil, dans tout ce qui concernait les enfants, j'avais des tétines. Mais la particularité de ces tétines, c'est que c'était des tétines où on pouvait mettre les aliments à l'intérieur. C'est que l'enfant ne met pas seulement la tétine dans la bouche, mais l'enfant est aussi en train de manger. C'est que ce marché peut être un marché qui semble saturé, mais quand tu amènes une plus-value, tu amènes une sagesse créative, ça, tu deviens incontournable. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dans ton affaire, je prie que Dieu te donne la sagesse créative. Non, je dis dans tes affaires que Dieu te donne la sagesse créative. Si tu es un homme et une femme d'affaires ici, que Dieu ouvre ton esprit. J'ai dit qu'il t'amène à voir au-delà du voile et qu'il amène la démarcation dans tes affaires. Alléluia. Il dit, j'ai déposé en lui la sagesse créative. Mais il ne dit pas seulement ça, il dit quoi encore? Qu'est-ce que j'ai déposé? J'ai aussi déposé l'intelligence. J'aime beaucoup lire la Bible en hébreu parce que elle est beaucoup plus riche. Lorsque vous lisez ici intelligence, le mot rattaché à intelligence, c'est un mot qu'on appelle Bina. B-I-N-A-H. Ça ressemble un peu au Swahili. Bina. L'intelligence ici, on ne parle pas seulement d'une intelligence, mais on parle aussi d'une intelligence organisationnelle. Une intelligence organisationnelle, c'est la capacité d'analyser. C'est la capacité de structurer. C'est la capacité de pouvoir distinguer une chose à une autre. C'est que je ne le permets pas seulement d'avoir la sagesse de créer, mais je permets que dans ce qu'il va créer, qu'il puisse être en mesure de pouvoir les structurer, qu'il puisse être en mesure de pouvoir bien l'analyser, qu'il puisse être en mesure de pouvoir bien les gérer. Pourquoi Dieu donne d'abord la sagesse créative, ensuite il donne l'intelligence organisationnelle? Parce que Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Lorsque Dieu commence quelque chose, il s'attarde à ce que ce qu'il commence, qu'il puisse le finir. Et il ne peut pas finir quelque chose s'il ne met pas dans ce qu'il a commencé la capacité de pouvoir le gérer. J'ai vu beaucoup de gens dans le domaine de l'entrepreneuriat avoir des bonnes idées, avoir des bons projets, faire des bons business, mais ne pas avoir le bilan, ne pas avoir l'intelligence organisationnelle. Je me suis retrouvé à Dubaï, j'étais parti avec un de mes fils, et lui il est dans l'entrepreneuriat. Et un jour je décide d'aller faire le shopping, et j'étais avec lui. J'ai commencé à faire quelques achats, et à un moment donné, je savais qu'il avait vendu des produits, et qu'il attendait beaucoup d'argent. J'ai été surpris de voir, à peine il recevait l'argent de son business, il prend tout l'argent qu'il avait reçu de son business, il a mis ça dans les shopping. J'ai dit, mais comment tu peux prendre l'argent des affaires et mettre ça dans les shopping? Il m'a dit, non, je ne m'inquiète pas, je vais encore vendre à nouveau, je vais avoir de l'argent. J'ai dit, tu as un problème, tu ne seras jamais prospère. Dieu ne te donnera jamais de grandes choses parce que tu n'as pas l'intelligence d'organiser. Quelqu'un qui commence une affaire ne s'empresse pas d'abord à acheter des habits, il s'empresse à consolider son affaire. Quelqu'un qui commence, oui, tu fais bien d'acclamer. Alléluia. Quelqu'un qui commence un nouveau business ne s'attarde pas d'abord à apparaître, il s'attarde d'abord à consolider ce qu'il a commencé. Il s'attarde d'abord à s'assurer que ce business va faire une année. Ce business va faire deux ans. Ce business, j'ai l'habitude de dire, on a tout le temps pour manger l'argent. On a tout le temps pour faire la vie. on a tout le temps pour savourer. On a tout le temps pour s'épanouir. Mais il y a des choses et il y a des saisons où il faut consolider ce que tu as. Il y a des saisons où il faut consolider ce que Dieu te donne. Des affaires sont mortes, des entreprises ont fermé, pas parce que Dieu n'avait pas inspiré, pas parce que Dieu n'avait pas parlé, parce qu'il n'y avait pas l'intelligence organisationnelle. Des églises ont fermé, pas parce que Dieu n'avait pas appelé ses leaders, mais parce qu'en plus de la capacité de commencer une église, un leader a aussi besoin de l'intelligence organisationnelle. Ici au Congo, vous n'avez pas beaucoup, mais en Europe, la pandémie a foudroyé des églises. Il y a des pasteurs qui ont fermé des églises. Il y a des églises, des grandes églises qui ont fermé. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient contentés à être grands. Mais ils ne s'étaient pas contentés à structurer leur grandeur. Et quand le vent est arrivé, le vent a soufflé et les gens se sont éparpillés. En plus de ta capacité de créer, en plus de ta capacité de commencer, en plus de cette sagesse créative, il te faut l'intelligence organisationnelle pour bien faire les choses. L'intelligence organisationnelle pour fixer des objectifs. L'intelligence organisationnelle pour être smart et de pouvoir évoluer au travers de ton potentiel entrepreneurial. Alléluia. Et c'est là la racine même de ce mot qu'on appelle entrepreneuriat. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu ne lui dit pas seulement qu'il lui donne la sagesse, qu'il donne l'intelligence, il dit encore quoi? Oh mon Dieu. Non, avant le savoir. Il lui dit donc quoi? Il y a un mot qui vient avant le savoir. Il y a un mot qui vient avant le savoir. Il donne quoi? La co. Il lui donne la sagesse. Il donne l'intelligence. Et il vient lui donner la connaissance. La connaissance, c'est l'expertise technique. La connaissance, c'est la science pratique. La connaissance, c'est la maîtrise des processus. La connaissance, c'est la capacité de résoudre un problème. La connaissance, c'est une forme de compétences qui est soutenue par la formation et par l'expérience. Tu ne peux pas te contenter à dire « Dieu m'appelle à être un grand avocat sans apprendre les droits. » Il y a un problème. Lorsque Dieu t'appelle, la connaissance est quelque chose de très important. La connaissance est quelque chose qui va t'amener à apprendre de l'avance. La connaissance est quelque chose qui va t'amener à comprendre les volets techniques du fonctionnement dans un domaine bien précis. Aujourd'hui, depuis lundi, on m'a appris qu'il y a un live qui passe sur YouTube. Mais est-ce que ces lives qui passent sur YouTube, ce sont des intercesseurs qui sont en train de lancer ces lives en priant en langue? Hein? Le live qui est en train de passer maintenant, ou la bonne qualité du son que nous avons ici, est-ce qu'il y a un homme qui est venu imposer les mains sur les instruments? D'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a un homme qui a imposé les mains? Recevez, recevez, recevez, recevez. Puissance, puissance, puissance, puissance. Où les instruments se sont réparés? Les lumières que nous avons ici, est-ce qu'on était tous sortis de l'extérieur? On a entendu juste un bruit, on est entré. Les anges ont installé les lumières. Alléluia. Non, ce sont des domaines qui émanent de la connaissance. Voilà pourquoi il faut étudier. Il faut apprendre. Un jour, un de mes fils est venu me voir pour me dire, papa, le feu de l'appel est en train de brûler dans mon cœur. Je voulais juste te dire que j'ai arrêté les études pour me consacrer au ministère. J'ai dit, je vais te gifler. Je sens le feu de l'appel. J'ai dit, tu es tel que tu es là. Je vais te donner un coup qui va te propulser. Et tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire, c'est Dieu qui m'a dit de te taper. Comment tu peux penser? Et il dit, non, Dieu m'appelle à aller loin, à être un prophète de palais. Tu vas entrer au palais avec quoi? Tu vas t'asseoir avec des rois pour parler de quoi? Quelqu'un me suit? C'est que ton potentiel entrepreneurial sera aussi aiguisé par la connaissance, la promotion dans l'église, dans la nation, même dans la société, a plusieurs voies. Il y a des promotions par recommandation, il y a des promotions par ancienneté, mais croyez-moi, il y a aussi des promotions par la connaissance. Je vous dis la vérité, même au sein de l'église, un frère qui est avec moi depuis très longtemps, mais qui ne m'apporte rien, qui est juste là, et un frère qui vient à peine d'arriver, qui peut être capable de me faire un site, de me créer des livres, de faire mille choses, vous pensez que j'aurai le même regard pour les deux? Non. À un moment donné, c'est vrai, je peux l'éprouver, je peux faire passer par des tests, mais à un moment donné, celui qui a la connaissance sera promu. Alléluia. La connaissance amène la promotion. Surtout si tu es autour d'un leader, ne cherche pas à l'encombrer. Ne cherche pas à le saturer. Vous savez, les hommes élevés ont déjà beaucoup de gens autour d'eux. Et quand tu es juste là pour encombrer, on ne va plus commencer à répondre à ton appel. Quelqu'un me suit? Rends-toi utile à quelque chose. Apprends quelque chose. C'est ça qui va te donner la promotion. Parce que si tu ne sais pas apprendre quelque chose, ça va être compliqué. Tu peux être là et la connaissance, sans te rendre compte, ça ne peut pas seulement t'introduire autour du leader, mais ça peut aussi amener ta vie à progresser. Alléluia. Un homme de Dieu me racontait, il voyage beaucoup avec un frère. Il me dit, ce frère est à l'église il n'y a pas longtemps. Mais j'ai commencé à voyager avec lui parce que un jour j'ai fait une vision. Et dans la vision, j'étais en train de prêcher. Je voyageais partout, mais je prêchais avec un interprète, mais qui interprétait, c'était un seul interprète, mais qui interprétait les langues de chaque pays où j'allais. C'est une vision qu'il a fait il y a longtemps. Mais quand ce frère est arrivé à l'église, quelques temps après dans l'entretien, ce pasteur lui a dit, mais actuellement, comment? Il dit, non papa, moi, je fais autre chose, mais j'ai besoin que tu me soutiennes. Il m'a dit, je vais te soutenir dans quoi? Il m'a dit, j'ai un don des langues, c'est que j'ai la facilité d'apprendre les langues, mais je l'ai appris sur l'état. J'ai besoin de payer des formations pour perfectionner mon anglais, perfectionner l'espagnol, perfectionner le mandarin. Et quand ce frère là seulement dit ça, il s'est souvenu de la vision. Il a payé la formation pour ses frères. Le frère a commencé à apprendre l'anglais, il a appris l'espagnol, il a appris le mandarin. Aujourd'hui ce frère là est le plus proche de ces grands hommes de Dieu là, plus que même des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans avec lui. Pourquoi? À cause de la connaissance. Donne-moi un amen bien. Que la connaissance te rend utile dans la maison de Dieu. Que la connaissance te rend utile autour de ton leader. Et ça, c'est quelque chose qui est très... Il n'est jamais tard pour apprendre. Il faut la connaissance. Je suis en train de faire partir 5 personnes le mois prochain qui vont venir à Paris. Ils travaillent avec l'apôtre Jean-Clément Diambilay. Et il m'a dit, Michael, j'ai besoin que tu m'amènes ces gens en France pour qu'ils apprennent. C'est des gens qui sont à l'église, mais je veux les faire venir en France pour qu'ils apprennent l'administration de l'entreprise, pour qu'ils apprennent la trésorerie. Ce sont des sujets qui font partie de la vie de l'église, mais il a réalisé qu'en plus de la disponibilité à recompter Mbongo, il faut y avoir, c'est quoi un actif, il faut y avoir, c'est quoi un passif, il faut y avoir, c'est quoi une charge fixe, il faut y avoir, c'est quoi une charge variable, il faut y avoir, c'est quoi une épargne, il faut y avoir, il faut y avoir, c'est quoi un budget prévisionnel, il faut y avoir. Parce que l'église, c'est une structure de Dieu, mais son fonctionnement, c'est aussi un fonctionnement entouré des hommes. Donne-moi un amen puissant. Je lui ai donné aussi de la connaissance. Et cette connaissance peut aussi être acquise par l'expérience. Au-delà de la formation, en faisant quelque chose, on peut aussi avoir l'expérience. Pasteur Christophe, il joue au piano, ça fait je ne sais pas combien d'années. Mais il ne te dira pas qu'il a fait l'INA. Tu as fait l'INA? Voilà, comment tu as appris à développer ton piano? Au fil des années, au fil, voilà. Il y a des compétences comme ça qui arrivent aussi par l'expérience ou encore par la constance de l'expérience. Caca, monsieur. Il y a des choses qu'on acquiert, pas parce qu'on le fait, mais il y a des choses qu'on acquiert et qu'on développe parce qu'on le fait de manière constante. On le fait de manière habituelle. On le fait de manière continue. Et c'est ça qui amène à pouvoir grandir. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu. Il dit quoi? Il dit, je lui ai aussi donné quoi? Je lui ai aussi donné quoi? Le savoir-faire. La capacité de construire. La capacité d'exécuter. Une personne peut avoir l'esprit, mais s'il n'a pas les meleka, le savoir-faire, il ne peut rien bâtir. Une personne peut être disponible, mais s'il n'a pas le savoir-faire, il ne sera jamais un homme, un leader entrepreneurial ou encore un entrepreneur chevronné. Il dit, je lui ai donné la capacité de faire, la capacité de réaliser. Pourquoi il ajoute cela? Parce qu'il y a plusieurs qui ont la connaissance, qui sont allés à l'école, mais qui ne sont pas pragmatiques. La connaissance ne te sert à rien si cette connaissance ne peut pas être transformée. La connaissance ne te sert à rien si cette connaissance ne peut pas être développée. La connaissance ne te sert à rien si cette connaissance ne peut pas être, cette connaissance ne peut pas être transformée. Au-delà de la connaissance, tu as besoin que cette connaissance t'amène à une transformation. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous allons prendre une petite pause de combien de minutes, papa? C'est une pause café, on prend combien de minutes? Pour prendre un café, 5-10 minutes, 5 minutes c'est suffisant. 5 minutes c'est bon. Maximum 10 minutes. Ok, nous prenons une petite pause café. Nous sommes à l'école. C'est ça. Maman Esther est où? Michimon. Maman Albertine. Ok. Il y a le café derrière, il y a l'eau derrière, il y a le thé derrière. Juste, on se dégourdit les jambes, on prend une petite pause café, le temps que l'homme de Dieu souffre. David Albert, regardez-moi de l'eau pour l'apôtre, le temps qu'il souffre et puis on vient continuer pour clôturer. Nous nous mettons debout, nous prenons le café. Pendant ce temps, j'ai dit deux, trois choses. Non, on peut d'abord continuer à chanter. C'est mieux de la musique quand on mange, ça fait toujours. Quand on mange, Abassemak est ça à courir. Ok, allez-y. Chantez quelque chose. Ok, là derrière, c'est une pause de 5-10 minutes. Faisons vite Araka pour continuer parce que c'est très intéressant. Sanjola Mokonzi oyandimali wapona ngai mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh bilembo ya motema ma efasa kate nyon sangai nyon sangai ko sanjola. Les mamans du social, accélérez. Viens pas avec David, négatif. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh, il est mon amour de ma. La efface à l'agneau sera pas éteinte. Ce qui est aimé, ce qui est aimé, si un aimé, et si la mère a mal. Ce qui est aimé, ce qui est aimé, oh, ce qui est aimé, ce qui est aimé, on se rappelle. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Ok, merci. Pensons que chacun a pris quelque chose. Il y en a qui mangent encore, bien que je laisse le temps de digérer, d'atterrir. Ok, nous voulons gagner le temps. Que Dieu vous bénisse. Merci la chorale pour ce bon cantique. Le pasteur, merci. Merci Bishop. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni de ces moments? Que Dieu soit béni. Nous continuons. Nous sommes en train de parler de la force de l'appel spirituel, du potentiel entrepreneurial et de son impact dans l'église locale. J'ai parlé de l'appel, j'ai défini l'appel. Je parlais du potentiel entrepreneurial, c'est de ça dont on était même en train de parler. Et j'ai expliqué le potentiel entrepreneurial un peu dans tout ce que Dieu avait déposé dans la vie de Bezalel. Et il faut comprendre que Il y a un détail important qu'on oublie souvent, c'est que Dieu n'a jamais construit le tabernacle par Moïse lui-même. Non. Dieu a aussi utilisé Bezalel, qui était un homme avec un esprit entrepreneurial, afin de pouvoir matérialiser la vision. C'est que Dieu appellera toujours les Moïse, qui représentent notre papa, notre visionnaire. Mais dans l'église locale, Dieu va aussi susciter des Bezalel, des hommes avec des potentiels entrepreneuriaux, afin de faire avancer le travail. Parce que ce travail ne peut pas avancer seulement avec la spiritualité. Non. Dans là où le Seigneur est en train de nous amener, c'est très important qu'au-delà de la spiritualité, qu'il y ait un potentiel entrepreneurial afin de pouvoir avancer. Pourquoi Dieu utilise Bezalel et pas seulement Moïse? Parce que Dieu donne la mission, la vision à celui qui le reçoit, mais il confie l'exécution de la vision à celui qui sait construire. Quelqu'un me suit? C'est que à moi, Dieu donne la vision, mais l'exécution de cette vision, il les donne à quelqu'un d'habile. J'ai écrit mon livre, j'en ai même ramené juste quelques exemplaires, parce que j'en avais pas assez, on en avait fait presque 300, mais une grande partie a été vendue lors du vernissage. C'est les restes que j'ai ramenés. Mais ce livre, c'est une vision. Mais pour que cette vision soit matérialisée, que ça entre dans un bouquin, vous pouvez l'avoir sur Amazon, vous pouvez l'avoir sur Internet. Derrière ça, c'est toute une machine. C'est des hommes, des compétents qui ont exécuté la vision que Dieu m'a donnée. Ceci étant dit, la force d'une vision, ce n'est pas dans la qualité de la vision. La force d'une vision, c'est tant dans la qualité de la vision que dans la qualité de des exécutants de la vision. Alléluia. Et c'est ça qui permet à une vision d'être force. C'est ça qui permet à une vision d'être une vision puissante. Diminue juste un peu, mais change-moi quelque chose. C'est ça qui permet à une vision d'être puissante. Un jour, je parlais avec ma soeur Marcelo. Il m'a dit, j'ai plus de 700 ouvriers à l'église. Et tous ces ouvriers, je connais peut-être maximum 20 ou 30. Mais quand je regarde leur implication, je comprends que mon ministère n'avance pas seulement parce que je prêche bien. Mon ministère avance aussi parce que derrière ma prédication, derrière mon message, j'ai des bons Bezalel, j'ai des bons exécutants. Ce n'est pas la faiblesse de l'onction ou la force de l'onction qui aiguise une vision. Non, c'est aussi la part des Bezalel, la part du potentiel entrepreneurial à l'église. Ça a une grande part, tant dans la consolidation de la vision, tant dans la croissance de la vision. Donne-moi un amen bien. Une église qui n'a que des hommes de prière, c'est une église qui va réussir, qui va gagner des combats spirituels, mais qui va perdre des combats terrestres. Quelqu'un ne m'a pas très bien compris. Une église qui a des hommes que des hommes de prière, c'est une église qui va gagner les combats spirituels, mais il va perdre les combats terrestres. Il va perdre les combats de la croissance. Il va perdre les combats de la structure. Il va perdre les combats de l'administration. Il va perdre les combats du média. Il va perdre plusieurs batailles parce qu'il s'est contenté dans les rabababababa. Alléluia. Pourquoi Dieu ne passe pas seulement par Moïse? Il choisit Bezalel parce que Bezalel, c'est un exécutant. Moïse est le visionnaire. Et c'est ces résultats qui font en sorte que le tabernacle soit construit selon les modèles célestes. C'est que le modèle céleste, c'est un mélange de la vision et de l'exécution. Les modèles célestes, c'est un mélange de la spiritualité et de l'excellence sur la terre. Alléluia. Le potentiel entrepreneurial est incarné dans la Bible par plusieurs hommes qui ont bâti et qui sont devenus incontournables. Joseph C'était un homme qui avait l'Esprit de Dieu dans Genèse 41. Mais Joseph n'a pas élevé le pays par un miracle. Joseph a élevé le pays par sa capacité entrepreneuriale exceptionnelle. Alléluia. Quand Pharaon est en train de dire, est en train de parler de Gédéon et de Joseph plutôt, il dit qu'il a l'Esprit de Dieu, mais il va plus loin pour dire quoi? Il est intelligent et il est sage. Il a la sagesse créative et il a l'intelligence organisationnelle. Il est autant loin par le Saint-Esprit, mais si tu les laisses cinq personnes, il sait les gérer. Il est loin par le Saint-Esprit, mais si tu les laisses les médias, il peut gérer. Il est loin par le Saint-Esprit, mais si tu les laisses les gérer la logistique de l'église, il peut aussi les gérer. Alléluia. Pharaon lui donne tout le royaume. Mais pourquoi Pharaon lui donne tout le royaume? Est-ce que c'est parce qu'il avait interprété les rêves? Non. Pharaon lui donne tous les royaumes par sa capacité de gestion. La spiritualité peut t'introduire, mais ton potentiel entrepreneurial peut te faire asseoir. T'as qu'à me suivre. La spiritualité, elle peut t'introduire, mais c'est ton potentiel entrepreneurial qui peut te faire asseoir et t'amener à être incontournable. Aujourd'hui, je suis en contact avec pratiquement tous les grands hommes de Dieu de la francophonie. Et j'ai une relation personnelle avec eux. Un jour du culte, à peine j'étais en train d'entrer, l'apôtre Jean-Clément Diambila, il m'appelle, je suis sorti. C'est un vieux à moi, on fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il est autant proche de moi, ou pasteur Yvan Castano, autant proche de moi seulement parce que je prophétise? Est-ce qu'il est autant proche de moi seulement parce que je parle bien, parce que je suis intelligent? Non, il est aussi proche de moi parce qu'au-delà des sauts des esprits, on peut parler des affaires. Quelqu'un me suit? C'est qu'au-delà des choses spirituelles, on peut parler de beaucoup plus que ça. Si tu es seulement trop dans la spiritualité, crois-moi, tu es ennuyant. Tu vas ennuyer, à un moment donné, tu vas ennuyer. Alléluia. Joseph n'est pas seulement prophétique. Joseph est entrepreneurial. Et ça, c'est un modèle par excellence. Il a l'esprit, mais il gère aussi une nation. David, pareil, il reçoit l'onction. Mais quand vous lisez 1 Chronique 12, 15, 23, 27, vous allez croiser un David loin par le Saint-Esprit, mais vous allez aussi croiser un David militaire. Vous allez aussi croiser un David institutionnel. C'est que là où beaucoup voient seulement l'adorateur, mais David était aussi un stratège militaire. David était aussi un innovateur administratif. David était aussi quelqu'un qui organisait des cultes, qui faisait en sorte que les ressources soient bien gérées. Il bâtissait des systèmes sacerdotaux. C'est que David n'est pas seulement celui qui prie, non. 1 Chronique 25, il crée un système musical. 1 Chronique 27, il crée un système militaire. 1 Chronique 23, il crée un système administratif. 2 Samuel 8, David crée un système de gouvernance nationale. Mais il était spirituel. Il était loin. Mais au-delà de son onction, il est venu ajouter et l'apostolique et l'entrepreneuriat. Pareil pour Paul. Paul était un appelé de Jésus-Christ. Mais quand vous regardez Paul, même lui-même, il dit, j'ai bâti, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Autant qu'il était, il était pasteur, mais il avait aussi la casquette des missionnaires. Et il sait que pour que la mission aille de l'avant, pour que je n'aille pas à courir derrière les dîmes, derrière les offrandes, je dois exécuter, je dois avoir une intelligence, une sagesse créative. La Bible va dire quoi? Paul était un faiseur. Il a commencé à faire des tentes afin que ses potentiels entrepreneuriaux aillent lui donner une impulsion à la mission pour qu'il arrive au seuil. Qui a fait la force de Paul? C'est quoi? C'est trois choses. La première des choses, c'est la grâce. Paul avait une grande mesure de grâce. La deuxième des choses, Paul était intelligent. Il avait appris, il avait la connaissance. Il avait les méléka. Mais la troisième des choses, Paul avait aussi l'argent. Alléluia. C'est que Paul était aussi riche. Lui-même, il dit aux Thessaloniciens, je ne vous ai rien demandé. Nous avons pourvu nous-mêmes à nos besoins. Paul pouvait voyager avec 40 personnes dans son convoi. Il pouvait voyager avec 60 personnes. Frère, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir l'huile, mais si tu n'es pas en contact des faiseurs d'huile, ton huile va t'amener à être frustré. Et il arrive à un moment donné où l'onction est frustrant. Vous savez ça? Tu as l'onction mais tu es frustré. Vous savez c'est à quel moment? Quand tu es pauvre. Tu peux donner une prophétie, frère. Je suis en train de voir, Dieu t'a amené loin, tu donnes des prophéties, je vois des finances. Mais tu sors seulement de l'église, là tu attends quelqu'un qui t'attendait avec sa dette, là juste là. Frère, où est mon argent? Mais toi à l'église, tu as donné un message très fort. Tu as même sauté, le feu est descendu. 100 pas seulement là, 100 pas. On t'attend là-bas pour rembourser une dette. La frustration de l'onction. Pourquoi? Parce que tu t'es contenté à l'esprit, mais tu as négligé le potentiel entrepreneurial. Ce sont des choses qui vont te rendre libre et autonome, qui vont faire en sorte que ton message soit même crédibilisé. J'étais en train de bénir Dieu pour la vie de Papa Désiré. Je lui ai dit, c'est très bien qu'autour de l'église, qu'il y ait quand même des institutions, qu'il y ait l'école, qu'il y ait l'hôpital, qu'il y ait toutes ces choses, parce que ça crédibilise l'église. Ça donne à l'église une connotation de ne pas être une assemblée de plaisantins. C'est qu'on vit ce qu'on prêche. Quelqu'un me suit? Et je suis en train de prier dans ton appel que Dieu permette que par ton potentiel entrepreneurial, que tu sois un homme de Dieu bâti. Que tu sois un servant de Dieu bâti. Que tu ne sois pas seulement celui qui est dans l'esprit, mais qui a des problèmes. Tu seras frustré. Je vous rassure, c'est une très grande frustration. De savoir que tu marches dans la sanctification. De savoir que tu parles bien, tu prêches, tu chantes à la chorale, tu descends les feux. Mais que tu as des problèmes de stabilité, ça amène la frustration. Et ça étouffe l'onction. Quelqu'un me suit? Paul était en même temps missionnaire, mais il était aussi faiseur des tentes. Le potentiel entrepreneurial n'est pas charnel. Beaucoup de gens pensent lorsqu'un homme de Dieu est aussi en même temps un homme d'affaires ou qui manifeste un potentiel entrepreneurial, on croit qu'il est moins spirituel. Faites attention. Le potentiel entrepreneurial est spirituel. Dans la pensée de Dieu, il n'y a aucune opposition entre spiritualité et stratégique. Il n'y a aucune opposition entre l'onction et l'organisation. Il n'y a aucune opposition entre la prière et la planification. Non, non, non, non, non. La Bible ne sépare jamais entre les deux. Jamais. Alléluia. Organiser une église, c'est un acte spirituel. Organiser une église, faire fonctionner l'église comme une société, c'est un acte spirituel. Pourquoi? Parce que ça amène le prolongement de la vision sur la terre. Ça permet la vision à être prolongée. Ça permet la vision à être pérenne. Ça permet la vision à être stable. Quand quelqu'un comprend que dans son appel, il a besoin d'un potentiel entrepreneurial, ta vision va être stable, ta vision va être pérenne. Et il y a des choses que le potentiel entrepreneurial amène dans la vie d'un leader. Le potentiel entrepreneurial amène dans la vie d'un leader la capacité, par exemple, d'anticiper les choses. Nous sommes en 2025, mais un leader qui a un potentiel entrepreneurial est déjà en 2026. Tout leader sérieux dans cette période a déjà quelque part dans son calepin un calendrier de 2026. Tout leader sérieux, tout entrepreneur sérieux est déjà maintenant en train de réfléchir. Que sera l'année prochaine? Que sera janvier? Que sera février? Déjà, ça tourne dans nos têtes. Alléluia. Le potentiel entrepreneurial va amener au leader la capacité de résoudre les problèmes. Quels sont les problèmes qu'il y a à l'église? Quels sont les problèmes qu'il y a à la société? La capacité de pouvoir structurer, la capacité de pouvoir exécuter, la capacité de pouvoir améliorer, la capacité de pouvoir gérer une équipe. La gestion d'une équipe demande aussi une capacité, frère. J'ai vu des gens, parce qu'il était trop spirituel, on a cru qu'il allait gérer les équipes. On lui a dit, bon, frère, toi, comme tu pries beaucoup, tu deviens responsable de telle équipe. Le jour où il devient responsable de cette équipe-là, cette équipe s'est détruite. Parce que le pasteur, en le nommant, il s'est contenté de sa vie de prière. Moi, je n'ai pas besoin de la vie de prière seulement. J'ai besoin de savoir m'assurer que tu comprends certaines choses, que tu connais certaines choses, que tu maîtrises certaines choses. Gérer les hommes, c'est très, très particulier, c'est très complexe. L'humain est particulier. Et tu as besoin de la connaissance pour pouvoir gérer les hommes. Le potentiel entrepreneurial ne t'amènera pas seulement à gérer, mais ça t'amènera aussi à multiplier ce qu'il y a dans ta main. Il y a des gens qu'on peut donner, il y a des gens qui peuvent avoir, mais il y a des gens qui ne savent pas multiplier. Alléluia. On peut te donner aujourd'hui 1000 dollars. On peut te donner aujourd'hui 10 000 dollars. On peut te donner 100 000 dollars. Avoir 100 000 dollars, c'est quelque chose. Mais multiplier 100 000 en est une autre. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont eu 100 000 dollars qui l'ont multiplié, non. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont eu 50 000 dollars qui l'ont multiplié. Il y a quelqu'un, tu lui donnes à peine 50 000 dollars ici. L'après-midi, il prend déjà la route vers Lubumbashi. Demain matin, il est déjà dans l'avion pour Kinshasa. Les lundis, il est déjà dans un autre avion pour Dubaï. Et il évapore l'argent. Il commence à penser à la multiplication quand ça quitte de 50 000 à 1200. Il commence maintenant à réfléchir à partir de 1200, comment ça va remonter. Frère, l'argent que tu dépenses dans l'ambiance ne remonte pas. C'est l'argent que tu investis qui remonte. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'intelligence pratique ou encore le potentiel entrepreneurial rend visible et puissant l'appel au ministère. Le potentiel entrepreneurial rend visible et puissant l'appel au ministère. Quelqu'un qui a un potentiel entrepreneurial fort, que ce soit au sein de l'église ou en dehors de l'église, deviendra puissant. Et la troisième et la dernière partie, comme je l'ai annoté dans mon canevas de départ, c'est l'impact de l'appel spirituel et du potentiel entrepreneurial au sein de l'église locale. Lorsque Dieu combine dans une même personne un appel authentique et un potentiel entrepreneurial réel ou activé, l'église locale commence à ressembler au modèle divin. Lorsque Dieu donne à quelqu'un un appel authentique et que son potentiel entrepreneurial commence à se déployer, au sein de l'église locale, l'église commence à apprendre les modèles de Dieu. L'église commence à apprendre les modèles du ciel. Lorsque au sein d'une église locale, on retrouve un Moïse et un Bézalel, les tabernacles où l'église sera bâtie selon les modèles du ciel. Cela veut dire qu'on aura un espace de vie stable. Cela veut dire qu'on aura une église organisée. Cela veut dire qu'on aura une église vivante. Cela veut dire qu'on aura une église productive. Mais on aura aussi une église prophétiquement pertinente. Parce qu'il y aura réellement un impact. Je n'ai jamais vu au sein d'une église locale le mariage de l'appel et du potentiel entrepreneurial n'est pas laissé d'impact. Jamais. Lorsque au sein d'une église locale, on a plusieurs appels authentiques et plusieurs potentiels entrepreneuriaux activés, l'église devient puissante. Je vous dis, l'église devient une église puissante. Et l'impact, c'est un impact multidimensionnel. L'impact ne restera pas seulement au fait que là-bas Dieu fait des miracles, mais l'impact prendra plusieurs dimensions. Et pour vous parler de l'impact de ce mariage en église locale, je vais vous parler de quelques impacts potentiels que ce duo peut apporter dans l'église locale. Premier impact, c'est l'impact de la structure. Dis avec moi, impact de la structure. Acte 6, du 1er au 7e verset, c'est une histoire que nous connaissons tous. L'église primitive était une église où Dieu était en train de faire des miracles. Le passage d'Actes 6 est très fondamental. L'église est remplie du Saint-Esprit. Des miracles se font. Des conversions massives. La puissance de Dieu est libérée. Mais malgré tout ce que Dieu fait à l'église, l'église est fragile. Malgré tout ce que Dieu a accompli à l'église, l'église est fragile. Subitement, on apprend un jour, des femmes se disputent. On apprend un jour des querelles. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de structure. C'est que les réveils étaient là, mais la structure n'était pas là. Les réveils étaient là, mais l'organisation n'était pas là. Et les apôtres se rendent compte tout de suite. On a seulement été spirituel. On a seulement été des hommes de l'esprit. Changeons de modèle. Prenons notre appel de potentiel entrepreneurial pour pouvoir amener un impact structurel. Qu'est-ce que les apôtres font? Ils établissent un système. Définir les rôles. Mettre en place les délégations. Créer une organisation interne. Créer une gestion équitable. C'est là où a eu la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les diacres. Alléluia. Les diacres, c'est le potentiel entrepreneurial et les apôtres, c'est l'appel authentique. Alléluia. C'est que le réveil était là, mais à cause du désordre, ils se sont rendus compte, non, on doit structurer les choses. Tu peux avoir un grand fardeau pour ta société. Dieu peut te parler. Dieu peut te dire, fais une société de quincaillerie. Commence un projet dans les mines. Fais plusieurs choses. Ça peut provenir de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a pas de structure, ce projet sera fragile. Lorsqu'il n'y a pas de structure, ça ne va pas avancer. Parce que l'onction seule n'a pas multiplié l'église. C'est la structure qui a permis à l'onction d'avoir une production durable et efficace. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'ils ont seulement structuré, le deuxième impact est arrivé. Le deuxième impact, c'est l'impact de la croissance. Parce que là où il y a la structure, il y a la croissance. Lorsque, je l'ai dit, lorsque la vision rencontre l'exécution, l'église n'avance plus au hasard. L'église n'évolue plus au hasard. L'église ne se développe pas juste comme ça parce que la croissance est structurée. Après les cultes, j'ai passé un temps avec Enoch et j'étais en train de lui parler parce qu'il a commencé une entreprise. J'étais en train de lui parler pour lui expliquer comment est-ce qu'il peut amener son entreprise à croître. Je l'ai dit, la croissance ne doit pas être un hasard dans ta structure. La croissance doit être intentionnelle. La croissance ne doit pas être un fruit d'un bâton magique. Non. Si l'église veut grandir, ta société veut grandir, ça doit être une intention que tu as. Cette intention qui va te pousser à mettre en place des choses, qui va amener l'église à quitter des 100 à 200, de 200 à 500, de 500 à 1000. Qu'est-ce que, par exemple, pour les trois prochains mois, qu'est-ce que tu mets en place pour quitter des 5 clients à 100 clients? Qu'est-ce que tu mets en place pour quitter d'un chiffre d'affaires de 100 000 euros à 1 million? Qu'est-ce que tu mets en place de quitter de 2 millions à 10 millions? Quelqu'un me suit? La structure est là, mais c'est la structure qui va faire en sorte que la croissance puisse arriver. C'est seulement lorsqu'ils ont établi la structure, la Bible a commencé à dire que l'église était en train de croître. L'église était en train d'évoluer. Donne-moi un amen puissant. Et le troisième impact du mariage, c'est l'appel et du potentiel entrepreneurial, c'est ce qu'on appelle la transmission. La capacité de reproduire des leaders. Quelqu'un me suit? C'est que lorsque l'appel est là, lorsque le potentiel est là, on ne va pas seulement amener un réveil momentané. Ça sera un réveil qui va se transmettre. Dans une église où l'appel est fort, mais le potentiel est faible, les leaders brillent, mais ils ne se multiplient pas. Dans une église où l'appel est fort, le potentiel est faible, les leaders vont briller, mais il n'y aura pas de multiplication. Dans une église où le potentiel est fort, mais l'appel est faible, La structure sera solide, mais il n'y aura pas de vie spirituelle. Quelqu'un me suit? Mais lorsque les deux s'unissent, lorsque les deux sont ensemble, on a des appels authentiques. Mais on a aussi des potentiels entrepreneuriales activés. L'Église va engendrer des leaders complets. La transmission sera facile. Quelqu'un me suit? La transmission du père au fils, du responsable à l'ouvrier, ça sera rapide parce qu'on n'a pas mis là un dépourvu. On n'a pas vu quelqu'un qui est venu juste comme ça pour être là. On a mis quelqu'un dont on reconnaît l'appel, mais on reconnaît aussi les capacités, dont on reconnaît aussi la capacité de pouvoir transférer une grâce. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Et le quatrième impact, c'est que là où il y a transmission, il y a multiplicité de grâces, ce qui fera en sorte qu'on ne peut pas garder tout le monde ici. Ça amène automatiquement ce qu'on appelle la mission. Ça amène l'expansion. Lorsque les deux s'unissent dans une église et qu'il y a transmission de grâces, transmission, il y a formation, on ne peut pas garder tout le monde ici. On est obligé de pouvoir, ou même naturellement, l'impact se crée. Alléluia. Naturellement, l'impact se crée tant au niveau territorial, au niveau régional. Ça fait en sorte que l'Église se développe. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité claire, il y a une vision claire, il y a une organisation efficace, il y a une présence sociale réelle et il y a des solutions concrètes pour les familles, pour les jeunes, pour les couples, pour les entrepreneuriales. On est obligé de s'étendre lorsque ces choses sont mises en place. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Et le cinquième impact, c'est l'impact de la pérennité. Dans la Bible comme dans l'histoire, les ministères qui durent, ce ne sont pas les plus charismatiques. Quand vous regardez les ministères et les églises qui ont duré, ce n'est pas forcément des églises où il y a eu beaucoup de charisme. Quand vous regardez les hommes qui ont fait long feu dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément ceux qui ont fait beaucoup de bruit. Mais ceux qui ont duré, c'est ceux qui étaient structurés. Ceux qui ont duré, c'est ceux qui étaient organisés comme les assemblées de Dieu. Comme les églises pentecôtistes. Comme les... quelle autre communauté qui a fait long feu ici? Les SSC. Ce sont des communautés qui ont duré, mais quand tu t'approches, tu vas voir la structure. Tu vas voir l'organisation. Tu vas voir des codes. Tu vas voir des prévisions. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Jésus lui-même, comme un enseignant, un thaumaturge, un prophète. Mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Jésus était aussi un bâtisseur d'équipe. Il a pris les 12, les 70, les 120 et aujourd'hui les nations. Quelqu'un me suit? Jésus savait gérer son temps. Jésus savait organiser. Il a fait un miracle. Les pains s'est multiplié. Les pains sont restés. Jésus a dit prenez, épargnez. Si Jésus épargne, pourquoi toi tu n'épargnes pas? Quelqu'un me suit? Il était un stratège même dans l'implantation. Il les envoyait deux à deux. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il a bâti sans rien laisser. Même le soir de sa vie, lui-même, il dit, je vous laisse ma paix. Donc, il a pris le soin de laisser les choses. Tu es un leader, est-ce que tu prépares ce que tu vas laisser? Tu es un leader, est-ce que tu es en train de préparer l'héritage que tu vas laisser? Quel est l'héritage que tu vas laisser? Quel est l'héritage que tu prévois laisser? Quel est l'héritage que tu vas laisser à ceux qui viendront derrière toi? Et le sixième impact, c'est ce que j'appelle le renouvellement. Le renouvellement ou encore la réincarnation. Lorsque l'appel Marie l'entrepreneuriat, je veux finir ici. Il y a ce qu'on appelle l'impact de la réincarnation et du renouvellement. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est caractérisé par la vitesse. Le monde évolue avec une grande vitesse. Le mois d'octobre, j'étais en retraite avec mes pasteurs et j'étais en train de leur dire quelque chose de très fondamental que Dieu m'a dit. À cause de la vitesse de la technologie et des changements, si vous ne savez pas vous réinventer, vous allez devenir obsolète. Si vous ne savez pas s'inspirer, vous allez expirer. Si vous ne savez pas créer de nouvelles choses, vous allez devenir une vieille école. Lorsque l'appel rencontre le potentiel, il y a cette capacité de toujours se réinventer. C'est toujours créer de nouveaux concepts. De toujours être dans ce qu'on appelle être à la mode. Parce que le monde où nous sommes, c'est un monde de consommation. Aujourd'hui, il suffit d'un mois pour qu'on passe d'un produit à un autre. Il suffit d'un an. Aujourd'hui, Apple nous maltraite. Je suis allé à Montréal à Apple quand iPhone s'était sorti. J'arrive comme ça pour prendre pour ma femme. On m'a dit, rupture des stocks. Les gens ont couru derrière. Donc, il y avait une file terrible. Chaque année, ils nous sortent quelque chose. Donc déjà là, en 2025, l'iPhone 16 Pro Max qu'on avait acheté l'année passée n'a plus de valeur. Et ça, c'est même dans le monde de l'Église. Si on ne réfléchit pas sur qu'est-ce qu'on peut amener de nouveau, si on ne réfléchit pas comment, quel concept on peut amener, on va rester obsolète. On va exister sans exister. On va exister sans éclat. Si tu fais fonctionner ton entreprise toujours comme tu le faisais fonctionner en 2000, tu vas être sans éclat. Aujourd'hui, le monde évolue tellement, il faut que dans ton appel, que tu aies cet esprit-là de toujours te réinventer. Chaque année, on a un mouton à Sika. Chaque année, on a une société à Sika. Chaque année, l'église est un élu au Morobo et au Zalarate dans la ville. Tu me donnes pas un amen. Alléluia. Et c'est ça qui va faire en sorte que ton entreprise, l'église, ne soit pas seulement pérenne, mais l'église aussi soit vivante. Et ça, je parle surtout à la jeunesse. C'est aussi au rôle de la jeunesse d'avoir un certain dynamisme, d'amener des choses nouvelles. Parce que la force de l'église, c'est les femmes et les jeunes. Une église où les femmes sont debout, c'est une église puissante. Une femme ne m'a pas dit amen. Et une église où les jeunes sont debout, c'est une église puissante. Un jeune ne m'a pas dit amen. Alléluia. Et c'est lorsqu'on associe les deux qu'on va arriver chaque année à amener des choses nouvelles, à amener des nouveaux concepts. Salomon a dit quelque chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si je fais apparaître Salomon maintenant, je vais lui dire, comment tu peux dire ça alors que dans ton époque, il n'y avait pas d'avion? Comment tu peux dire qu'il n'y a rien de nouveau alors que dans ton époque, il n'y avait pas de télé? YouTube n'existait pas. Salomon ne parlait pas seulement des choses matérielles. Salomon est en train de dire ceci. Dans la spiritualité, tout existe. C'est ce que ça veut dire. C'est que tout ce que tu cherches, il n'y a rien de nouveau. Ça existe dans le monde spirituel. Et c'est maintenant ta capacité d'aller le chercher afin de pouvoir l'amener dans le monde physique au travers du potentiel entrepreneurial, de l'activer et de le mettre en pratique pour faire de toi un homme et un leader complet et pour faire de nous une église incontournable. Une église où il y a Dieu, une église où il y a le feu, une église où il y a l'huile, mais une église où il y a aussi le faiseur d'huile. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie, papa. Waouh, il y a des enseignements qu'il faut avoir. Il y a des choses qu'il faut connaître. il y a des choses qu'il faut connaître pour que ça nous aide dans la vie. C'est très important. Il a dit que l'appel était un décret divin. C'est ça. Ça, c'est l'appel. Mais le potentiel, c'est pour la terre. Il faut lier les deux. Il faut qu'il y ait un mariage entre le spirituel et le potentiel pour que l'Église avance. Et ce sont des choses très importantes. Parfois, nous mettons de côté, à un moment donné, nous existons sans exister. Nous existons sans impacter. Je pense que des enseignements comme ça, c'est bon, ça choque nos têtes. Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je fais les choses correctement? Vous savez, le problème, c'est que j'ai dit souvent que Dieu n'est pas congolais, Dieu n'est pas africain, n'est pas européen. Au ciel, tu arriveras congolais. Tu dis non, nous au Congo, vraiment, Dieu va s'étonner, va dire, mais ce n'est pas possible. Je vous ai tout donné. Vous n'avez pas pris. Regarde les autres. Il n'y avait rien. Ils ont fait des choses. Il y a des gens qui vivent dans le désert, mais qui font des choses. Il y en a qui vivent là où ça fait moins 17, moins 20 degrés, mais font des choses à l'église. Il y en a même qui me disent que pendant l'hiver, pour que les gens viennent à l'église, le café est gratuit. Et les gens viennent à l'église. Ils se réinventent, ils font des choses. Et l'église avance. Et je crois que ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu écoutes ce message. Alléluia. Alors, je donne juste 10 minutes pour les questions. Après, nous allons nous libérer parce que nous avons une autre activité juste après. Questions pendant 10 minutes et puis nous allons nous libérer. Soyez sûrs que vous avez mis votre nom. Maintenant, on peut fermer les portes. Ceux qui viennent, ils peuvent nous attendre dehors parce qu'on a fini. Vous avez mis votre nom pour... parce que nous donnons les certificats de participation. Quelqu'un qui a participé, on donne quand même les certificats que l'apôtre va signer. Il rentre déjà demain à Lumbashi, lundi à Paris. Et Dieu permettra l'année prochaine, je crois, je travaille sur le programme, nous allons nous secouer pour faire certaines choses. Alors, 10 minutes pour les questions. Vous levez la main, vous posez la question dans n'importe quelle langue, il n'y a pas de souci. C'est mieux de donner aussi. Le nom, qu'on se connaît. Lève-toi, tu peux même parler. David, le micro, oui. Parle le micro chez David. Bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre. Voilà, moi, c'est le frère Gamaliel. Alors, j'ai une question qui me perturbe un peu. Justement, dans cette question, vous êtes l'exemple typique. Vous avez parlé, vous avez dit que l'appel... émaner du domaine spirituel et que le potentiel est du physique. Mais en vous regardant, je comprends que vous combinez les deux. C'est-à-dire, vous avez et l'appel authentique et les potentiels. Maintenant, ma question est de savoir, aujourd'hui, apôtre, nous avons des personnes qui ont vraiment l'appel, c'est vrai, mais ils peuvent avoir ces potentiels, mais ils ne savent pas où orienter ses potentiels pour qu'il puisse produire de fruits. Comment? Je donne un exemple. Il y a des gens qui ont un potentiel qui va leur faire luire dans le domaine du design, par exemple, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'enseignement. Alors, comment savoir que le potentiel que Dieu a mis en moi doit être orienté dans tel domaine pour enfin réussir? Très bien. Comment canaliser son potentiel? Oui. Ou encore, comment savoir quel potentiel on a? Ou encore, comment développer son potentiel? La première des choses, c'est au travers de la révélation. En partant de Betsalel, c'est Dieu qui l'a révélé. La révélation reste un domaine fondamental pour se découvrir et pour découvrir toute chose. Le deuxième domaine, c'est dans le domaine de la formation et de l'accompagnement. On est appelé seul, mais on ne grandit jamais seul. Ok? Pour que quelqu'un arrive à grandir, il faut passer par les mains de quelqu'un. Un enfant, Jésus, même si il était appelé sauveur de l'humanité, à un moment donné de sa vie, on devait lui donner le lait avec les biberons, le tenir comme ça pour le faire boire. Chaque personne doit passer par cette étape. D'où l'importance d'avoir une église locale et d'avoir un père spirituel. Parce que l'église, ce n'est pas un endroit des gens qui ont échoué dans la vie. L'église, ce n'est pas un endroit des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes, des papiers, des problèmes de voyage, non. L'église est la maison de Dieu pour transformer des vies, prendre des esclaves, en faire des princes, prendre des gens de rien et les amener à la sommité. C'est qu'au travers de la formation, on peut pouvoir aussi apprendre et canaliser. La troisième des choses, la Bible est en train de dire, les fers aiguisent les fers. Il y a des choses que tu vas apprendre aujourd'hui et que tu vas développer parce que Dieu t'a exposé à une grâce. Il y a des connexions. Je suis en train d'écrire un livre que j'intitule « Réussir sa destinée avec Dieu » et j'explique trois choses fondamentales qui peuvent amener quelqu'un à réussir sa destinée. La première des choses, je parle de la délivrance. La délivrance qui est un moyen qui peut permettre à quelqu'un de réussir. La deuxième des choses, je parle de l'environnement prophétique. L'environnement peut permettre à quelqu'un de réussir. Il y a des environnements qui attendent certaines personnes. Isaïe prophétise pour Bethléem. Il dit, Bethléem, tu enfanteras un roi. Plusieurs années avant, parce que aussi longtemps que Jésus n'était pas né à Bethléem ou Jésus n'était pas passé à Bethléem, la destinée de Jésus n'allait pas s'accomplir. Voilà pourquoi au 9e mois de la grossesse de sa mère, un recensement est provoqué pour que Marie se retrouve dans un environnement prophétique et que Jésus vienne. Et la troisième des choses qui amène une destinée à réussir, c'est les connexions. Les connexions peuvent amener quelqu'un à avoir de l'avance. L'ange Gabriel apparaît à Marie. Il donne le message principal, c'était de dire à Marie qu'elle sera enceinte et qu'elle va enfanter Jésus. Mais Gabriel ne s'arrête pas là. Gabriel continue en lui disant ceci. D'ailleurs, ta parente, Élisabeth, est aussi enceinte de 6 mois. Pourquoi cette précision? Gabriel voulait dire à Marie, ce qui te dérange aujourd'hui, ou ce que tu peux penser complexe, il y a quelqu'un qui l'a déjà commencé à 6 mois. Parce que la grossesse de Marie était une grossesse traumatisante. Si elle n'avait pas un mentor ou une connexion pour l'aider, Marie allait peut-être faire une crise cardiaque. Voilà pourquoi Gabriel lui dit non. Ce que tu cherches là, il y a déjà quelqu'un qui a déjà réussi 6 mois. Va le voir. Il y a dans tout ce qu'on cherche, dans tout ce qu'on espère, il y a déjà quelqu'un qui l'a accompli. Si tu cherches 10 millions, il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait 10 millions. Ton problème, c'est que Dieu te fasse grâce de te connecter à cette personne, comme Marie s'est connectée à Élisabeth. Élisabeth a dû expliquer à Marie comment les 6 premiers mois de sa grossesse s'est passé. Quand Marie a eu 6 mois de grossesse, Élisabeth avait déjà accouché et l'enfant avait 3 mois. Quand Marie a atteint 9 mois, Élisabeth savait quoi dire à Marie. Quand Marie a accouché Jésus, Jean-Baptiste avait déjà 6 mois. Donc Élisabeth savait dire à Marie aussi comment gérer un enfant de 6 mois. Quand Jésus a eu 6 mois, Jean-Baptiste avait déjà 1 an. Donc la présence d'Élisabeth a été un mentoring pour que la grossesse de Marie soit une grossesse sans problème, sans difficulté et une grossesse à succès. Merci. Et je voulais ajouter sur ce que l'apôtre a dit. Je crois que l'enseignement cette semaine nous a beaucoup bénis. Il y a aussi des choses qu'on fait naturellement. Naturellement. C'est et ça. Qui marchent. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu fais naturellement qui c'est aussi des indicateurs pour dire ça peut me réussir. Ça peut me réussir. Il ne faut pas négliger. Donc c'est important. Il y a la révélation. Il y a les choses qu'on fait naturellement. Il y a le mentorat. Il faut avoir un père spirituel qui peut te dire ici non. C'est comme tous les joueurs, ne vous en faites pas. Messi n'est pas devenu le Messi s'il n'avait pas un entraîneur qui s'appelait Guardiola, qui devait trouver le bon positionnement de Messi. Malgré qu'il avait le talent, qui devait lui trouver le bon positionnement au numéro 10. Et Mourinho a dit la même chose quand j'étais à Real. Il fallait que je me batte pour trouver le bon positionnement de Ronaldo au numéro 7. C'est-à-dire que bien qu'il a le talent, mais il fallait que le père lui dise non, non, toi avec ça, pas dans l'intercession. Lui, il pouvait dire non, je suis un grand désobéi. Non, tu vas travailler là. C'est-à-dire que c'est là que le Père intervient et c'est très important. Dans Ézéchiel, les ossements desséchés, il a parlé des relations, des connexions. Les nerfs ont commencé avant qu'ils puissent avoir la chair. Et les nerfs nous connectent à, c'est le réseau en fait du corps. À toutes les cellules. À toutes les cellules. Donc Dieu savait que pour que ça soit une grande armée, il faut une connexion. Les gens qui sont seuls ont du mal à évoluer. Et nous qui sommes dans d'autres, dans le monde séculier, vous allez comprendre qu'il faut que quelqu'un parle de toi à quelqu'un pour que ça marche. Même si tu pries, il faut avoir des connexions. La prière va t'aider. Maintenant, je me connecte à l'apôtre. L'apôtre parlera pour moi à Paris. Je parlerai pour lui peut-être à Kinshasa ou à Kambov. Voilà. C'est plus, d'ailleurs, les gens parlent aujourd'hui des agendas qu'on te prenne. C'est en fonction de ton agenda. Donc, on ne peut pas te prendre dans un parti politique, dans une organisation, si dans ton agenda, tu as zéro contact. Plus ton agenda est grand, plus tu deviens intéressant et on te prendra. Oui, une question là-bas. Père. Merci, papa. Merci, apôtre. J'ai au moins quatre questions. Les trois questions. Tu te présentes et tu poses. Moi, c'est le frère Crispin Monga. J'ai au moins quatre questions. Les trois questions sont basées sur la formation, sur les trois points qu'on a énumérés. Et ma quatrième question, c'est une question personnelle comme participant aussi à la formation. Ma première question, c'est sur l'appel spirituel. Quels sont les signes que Dieu veut utiliser quelqu'un dans un domaine précis? Et deuxième question, quelles compétences devons-nous développer pour une église moderne? Ça, c'est sur les potentiels entrepreneuriat. Et troisième question sur l'impact dans l'église locale. Comment créer une collaboration saine entre leaders spirituels et entrepreneurs? Ok, par rapport à... Papa, tu peux répondre? Non, allez-y. Par rapport à la première question sur comment identifier un appel, la Bible parle des moyens, la Bible nous révèle beaucoup de moyens par lesquels les appels ont été, l'appel de Dieu bien sûr, ont été révélés ou identifiés. Je l'ai dit tantôt, la première des choses c'est la révélation qui peut passer sur deux volets. Il y a des révélations où Dieu lui-même est apparu à des hommes pour leur dire que je les ai appelés. Il y a des révélations comme Gédéon où c'est un ange qui vient lui parler. Mais il y a aussi des personnes où Dieu est passé par un leader, un homme, pour lui révéler son appel. J'ai eu des gens qui sont venus à l'église. Aujourd'hui, celui qui est mon assistant personnel est venu à l'église, un frère lambda. Il ne priait pas en langue, rien du tout. Ben, il était juste venu parce que sa copine priait à l'église. Donc, il était juste venu par curiosité. Mais aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Il modère, il conduit la prière. Et c'est lui qui est mon bras droit aujourd'hui. Parce que, au-delà du fait que l'appel était déjà en lui, mais Dieu est passé aussi par moi pour voir cet appel afin de pouvoir canaliser l'appel. Ça, c'est des voies qui sont majeures par lesquelles Dieu peut passer pour authentifier un appel. Après, il y a la confirmation aussi des gens qui peuvent faire en sorte que l'appel de Dieu soit reconnu. Un prophète peut venir ici et confirme ton appel. Tu as déjà, peut-être tu sers Dieu, mais peut-être tu ne sais pas. La confirmation est aussi un moyen. La deuxième question, c'était par rapport à... La deuxième question, c'était par rapport au potentiel entrepreneurial. Mm-hmm. C'était quoi la question? La question était, quelles compétences devons-nous développer pour une église moderne? Par rapport à une église moderne, bon, tout part déjà de... Comment tu définis l'église moderne? L'église moderne, pour moi, c'est une église où les choses ne sont plus comme à l'ancienne, mais il y a des dons qui s'exercent dans l'église. Il y a l'évolution sur le plan managériel et sur le plan entrepreneurial. Quelles sont les compétences? Il y en a beaucoup. Une église moderne, par exemple, ne peut pas négliger le digital. Une église moderne doit mettre de l'accent sur le digital. Je suis en train de préparer le budget de l'année prochaine et j'alloue un budget quand même conséquent, un peu près de 100 000 euros seulement pour le digital de l'église, pour acheter des caméras, pour vraiment que le digital soit au top et former des gens pour que les gens puissent être compétents à cela. Le digital, c'est très important. Tu as parlé aujourd'hui de la gestion. Nous, en France, on évolue dans un environnement qui est administrativement très serré. Chaque année, on doit, je ne sais pas si ici, on doit faire des bilans, vous avez des contrôles, vous avez des justificatifs que vous devez prouver. Donc, quelqu'un qui gère l'église ou l'administrateur de l'église en France, ce n'est pas un frère qui prie seulement. C'est quelqu'un qui a des notions de droit, des notions de comptabilité. On a des contrôles de la préfecture par rapport à nos installations dans les bâtiments. Donc des gens viennent passer pour voir où est-ce qu'on a emplacé des choses, pour voir des ordures. La préfecture vient pour regarder si on respecte les normes des établissements recevant du public. Donc il faut quelqu'un qui connaît qu'il ne faut jamais fermer la porte de secours. Dans une pièce où il y a du monde, c'est interdit et c'est condamnable à la loi française d'avoir un bâtiment avec une seule porte. Tu vois, donc quelqu'un qui ne connaît pas toutes ces notions ne peut pas gérer la logistique de l'église. Donc dans une église moderne, on a besoin d'avoir des compétences digitales, des compétences managériales, des compétences administratives, des compétences aujourd'hui aussi de gestion financière. Au vu des projets de l'église, l'église peut avoir un projet de construction ou un projet de faire quelque chose de grande envergure. L'économie nous donne la facilité d'avoir un prêt. Une église, par exemple, ICC, ils ont construit un bâtiment à 61 millions d'euros. Donc, mais ils ont eu un prêt de plus de 40 millions. Et qu'est-ce qui a permis ce prêt? Ce qui a permis ce prêt, c'est parce que depuis 2009, ils ont un compte épargne. C'est que dans tout ce qu'ils dépensent, ils avaient un peu d'argent, ils mettaient quelque part. Donc la personne qui gérait l'argent avait une bonne gestion pour épargner, préparer éventuellement des gros projets d'envergure. Et ça, c'est très important. On doit avoir des connaissances sur comment gérer les ressources humaines. On gère les hommes d'une certaine manière. La gestion des ressources humaines doit penser à la carrière, à la formation, à l'encouragement, à beaucoup de choses, à la discipline, à la rigueur, au règlement d'ordre intérieur. Donc, c'est toutes ces formations-là que l'Église moderne peut avoir en plus de l'esprit, de la sensibilité du Saint-Esprit qui est incontournable et qui fait avancer d'ailleurs l'Église. Parce que tout ce que je t'ai dit, s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas l'Esprit, c'est vain. Donc nous considérons l'Esprit comme maître suprême, conducteur de l'Église, et nous prenons les potentiels comme un plus-value pour faire avancer le travail. Et la troisième question, on va peut-être compléter. Je vais juste peut-être compléter l'apôtre. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, on donne les ministères dans l'église. Alors comment savoir, comment s'orienter? Il faut que l'église confirme le ministère. Le pasteur l'a dit tantôt, l'apôtre l'a dit tantôt, on ne peut pas, c'est l'endroit où on ne s'autoproclame pas. Même David, il fallait que Samuel vienne. Même Saül, il fallait que Samuel vienne. Même Jésus, il fallait que Jean-Baptiste vienne. C'est dans l'église, tous les dons doivent fonctionner. Il ne faut pas, c'est pas parce que je suis prophète que je dois quitter l'église, apôtre aussi, je dois quitter l'église. Il est apôtre. Ici, la difficulté que nous avons, on a privilégié plus le pasteur dans la 45e. Très peu sont considérés dans la communauté comme prophètes, les apôtres presque pas, alors qu'il y en a qui font le ministère apostolique. Mais jusque-là, l'Église n'a pas dit, voici, celui-ci, il est apôtre. Donc, il y a les docteurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. L'Église doit dire, venez devant. Nous avons vérifié, frère Marc, il a le don, nous le connaissons, comme on nous a dit, on l'a étudié, on l'a évalué. il peut maintenant exercer dans l'église ce ministère et on prie pour toi. À ce moment-là, tu deviens, on n'est pas prophète parce qu'on a prophétisé. On n'est pas évangéliste parce qu'on est parti ouvrir une église. C'est ça. Non, c'est parce que l'église a reconnu et l'église t'a considéré en tant que tel. Et c'est un exercice que nous, les leaders, nous devons faire. Et je l'ai dit ici, dans notre église, l'année prochaine, nous devons savoir faire ces choses. Par rapport à la gestion de l'église, je suis d'accord avec le pasteur. Vous voyez, c'est le monde où le pasteur évolue, en Europe, à Paris. Il vous dit que la préfecture doit passer pour vérifier que vous avez les trois poubelles. Poubelles pour les plastiques, pour les déchets recyclables, pour ceci, etc. On doit vérifier. Ici, chez nous, on ne le fait pas. Mais ce n'est pas... Il faut que le leader ait ça à l'esprit, qui donne l'impulsion et qui ait des Bezalel pour faire ces choses. Ici, chez nous, l'église, parfois, vous allez choisir quelqu'un qui n'a aucune notion d'économie, aucune notion de comptabilité, mais vous lui donnez la gestion de l'argent de l'église. Non, non, Anaomba Kassan, ça ne marche plus. Et vous allez voir que c'est parmi les éléments qui ont fait que nous sommes bloqués. Ça ne marche pas. Anaomba Kassan, il prie beaucoup. Non, on lui donne la caisse. Il prie beaucoup, on lui donne la chorale. Il prie beaucoup, pasteur, qu'il soit ancien. Qui a dit qu'un ancien doit beaucoup prier? Donc, voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut considérer. Non, il doit être pasteur, il prie beaucoup. Non, qui a dit que parce qu'il prie beaucoup, on doit lui donner telle responsabilité? Donc, ce sont des choses importantes qu'il faut connaître. Le potentiel, il a parlé du mariage entre le spirituel et le potentiel. Il faut qu'il y ait un bon mariage. Si l'un est au-dessus de l'autre, il y a un déséquilibre. Et tout ce qui est déséquilibré ne tient pas pour longtemps. C'est très important. Merci beaucoup. On prend une autre question. Il y avait une troisième. Termine la troisième rapidement. Troisième question, c'était sur l'impact dans l'église locale. Comment créer une collaboration saine entre leaders spirituels et entrepreneurs? Comment créer une relation? Bon, déjà, l'église, c'est d'abord pas l'église des leaders et l'église des entrepreneurs. À l'église, il y a un père et il y a des fils et des filles. On pose d'abord cette base-là. C'est que même si dans mon église, tu es multimillionnaire, tu es un enfant de la maison. Ça, c'est fondamental. Maintenant, dans le contexte où on peut rendre inclusif l'entrepreneuriat au sein de l'église, tout part dans créer un écosystème. OK? C'est-à-dire favoriser... donner un cadre aux entrepreneurs. Il y a des églises où il y a des départements des entrepreneurs. Il y a des églises où il y a des réunions des entrepreneurs. Il y a des églises où il y a des ligues d'entrepreneurs. Il y a des églises où, comme ce matin, il y a des masterclass où on parle de l'entrepreneuriat. Donc déjà, ce cadre-là, premièrement, ça va créer déjà une bonne relation. Mais pour que cette relation soit rentable, il y a deux choses principales. La première des choses, c'est un projet que j'ai depuis plusieurs années, de mettre en place un réseau des entrepreneurs où tous les entrepreneurs de l'église se connaissent, afin que l'argent de l'église tourne à l'église. On sait que si on a un mariage, maman telle, elle est traiteur, maman telle, elle est décoratrice, maman telle, souvent on le sait, mais de manière informelle. Maintenant, il faut formaliser ça pour qu'on mette en place vraiment une structure bien établie. Et chaque entrepreneur qui est au sein de l'église ne doit jamais oublier. D'ailleurs, c'était le message que j'avais. J'ai juste maintenu ce thème par respect. Et puis, ça, c'est un thème qui m'intéresse. J'ai un enseignement où j'enseigne, j'intitule ça « Devenir riche pour Dieu ». C'est que tout entrepreneur que Dieu met à l'église locale, il doit savoir dans sa tête que Dieu les rend riches aussi pour lui. C'est que dans ton entrepreneurial, dans ton office d'entrepreneur, tout ce que tu gagnes ou ce que tu gagnes, tu ne dois jamais perdre de vue que Dieu te permet aussi de l'avoir parce que Dieu veut que tu sois riche pour lui, pour sa maison et pour son serviteur. Merci beaucoup. On prend une dernière question. Vu le temps, maintenant, c'est laquelle? Bonjour. Là, j'ai le micro. Bonjour pasteur, c'est le frère Luc. Une seule question. Oui, oui, je pose une seule question. Ma question est de savoir, parce que tout à l'heure vous venez de parler du mentoring, et j'étais en train de me poser, vous venez de parler du mentorat entre Elisabeth et Marie. Et en parlant de ça, c'est le type de modèle bien que vous nous avez donné. Maintenant, que faire dans une situation où un fils se retrouve face à un mentor ou père qui n'accepte pas les domaines du potentiel entrepreneurial du fils? Je me retrouve dans une situation où moi, je sens, j'ai la conviction en moi que je dois faire les études de droit. Mais celui qui est mon mentor ou soit qui est mon père me dit, si tu ne fais pas la médecine, je ne peux pas payer pour toi. Que faire dans ce genre de situation? Ça va, avant que le pasteur l'apprenne de répondre, je vais donner un cas pratique. Le pasteur a dit beaucoup de choses. L'apôtre a dit beaucoup de choses. Je pense qu'il faut... Ça se suit, ça s'enchaîne. C'est découvrir ce qui est en toi et qu'on t'aide à ça. Je vais donner deux exemples personnels. Je n'aime pas trop parler des choses personnelles, mais mes deux petits frères. Le premier, aujourd'hui, il travaille à Kamoa. Le deuxième, il est médecin. En fait, chez nous à la maison, curieusement, tous les quatre garçons, on a fait la maths physique. Curieusement. Tous, on a fait la maths physique. Alors, arrivé à l'université, nous nous sommes dit, c'est pas sérieux. On ne veut pas faire la même chose. Enfin, j'ai commencé la polytechnique. Mon frère qui est venu après moi, il m'a dit, non, tu es en métallurgie. Je vais faire les mines. Mais du moins, je sens la conviction. On priait déjà. Quand il est arrivé à l'université, j'avais reçu le Seigneur. Je lui dis non, viens en métallurgie comme moi. Il dit non, Désiré, je ne peux pas. Je vais en mine. J'ai dit non, je sens, il faut que tu fasses la métallurgie comme moi. Alors on me dit, même la maman qui me dit, ah pas na baba, famille baoui de pas métallurgie, c'est non. Joël Mille, Mneshka, Akouye. Tout le monde refuse, je dis ok, va en mine. Polytechnique, il fait amine, premier graduat, deuxième, troisième, il est planté. Félicitations, Jacques Camo, toi, SKM, planté. Il reprend et il épuise. Quand il épuise lui-même, il vient me voir. Il dit je vais faire ce que tu m'as dit. Lui-même, il me dit, je vais faire ce que tu m'as dit. Je dis, pas de souci. Voici les archives. Il est venu faire la métallurgie. Et aujourd'hui, il est parmi les plus grandes personnalités de Kamor, ou le plus grand noir élevé à Kamor. Je lui pose la question, j'avais mal dit oui ou non. Non, déjà, Kupita. C'est la réponse. Le cadet, la même chose. Il vient s'inscrire à l'université. Maths physique aussi. Mais je lui dis, non. Toi, là, tu ne viens pas en polytechnique. Tu fais la médecine. Ah là, toute la famille se révolte. Non, tu exagères. J'ai dit non, tel que je le vois, quand je regarde sa façon de travailler, je pense qu'il peut être un bon médecin. Alors, comme d'habitude, là je me suis imposé. J'ai dit ok, pour le moment comme grand frère, moi je t'inscris en médecine. Mon petit frère a pleuré, mais j'ai usé un peu de l'autorité quoi, de grand frère. Il est parti en médecine, il a fini. Il est médecin, il est parti à Kiloa, tout ça, USAID, Vision Mondiale. Aujourd'hui, il est médecin. Chaque fois que je lui demande, et à lui et à sa femme, je dis, mais m'a dit, mais où là? Tu ne me donnes pas l'argent. Il dit, non, Désiré. Mais on va s'en tout le monde à Kumbuka. Et puis, je dis, est-ce que médecin? Non. Il me dit qu'il n'y a rien au monde qui soit intéressant qu'être médecin. Après, il a fait médecin, il a fait la santé publique, spécialisation. Il dit, il aime ça. Pourquoi? Il y a eu quelqu'un qui lui a dit, j'ai vu en toi ça, va là-bas. Bien que lui-même pensait qu'il devait aller de l'autre côté. C'est ce que l'apôtre nous a dit. C'est important. Parfois, nous avons des ambitions, mais écouter le Père. Parfois, il ne va pas te dire ce que tu aimes. c'est ça aussi l'avantage du Père. Tu ne vas pas le taper. Ouais. Au moins, il va te dire que c'est que tu n'aimes pas. Et puis, mais c'est quelque chose qui va t'amener sur ton chemin. Laisse la parole au pasteur. Je crois que papa a tout dit. Mais c'est un conseil personnel. Si tu veux aller très loin avec Dieu et avoir beaucoup de choses très tôt, évite cette posture de se dire « Moi, je sens. Moi, je veux. » Ça peut être un grand piège pour ta destinée. Ce qui fait ma force aujourd'hui et qui me démarque de beaucoup de ma génération, c'est que j'ai des voix au-dessus de moi qui me conduisent. Je suis un prophète de Dieu. J'écoute Dieu dans les détails. Parce que même là, tu poses la question, Dieu me parle de ta vie, tu vois. Mais ça ne m'empêche jamais, jamais d'écouter les voix qui sont au-dessus de moi. Et c'est ça qui me donne de l'avance, dans, en tout cas, de tout. Il y en a, je ne connais pas deux personnes, deux jeunes qui évoluent en Europe, qui n'ont pas grandi en Europe, qui sont allés en Europe il y a quelques années et qui ont les résultats que j'en connais pas, même trois, j'en connais pas. Mais c'est quoi le secret? Il y a la grâce de Dieu, mais vraiment ma force, j'écoute les pères. Ça me facilite la vie, ça me laisse, ça m'évite des risques et c'est quelque chose de très important. Il faut toujours prendre la présence du Père comme une bénédiction et jamais comme un obstacle. Parce que si tu prends la présence du Père comme un obstacle, c'est là où tu commences à échouer. Regarde l'exemple que papa a donné. Il a perdu combien d'années? Presque 4 ans pour te réajuster. 4 années, c'est beaucoup d'années. Et il y en a qui n'ont même pas perdu. Et même lui, heureusement, 4 ans après, il s'est réajusté. Mais il y en a qui ont perdu toute la vie. Juste parce qu'ils étaient convaincus à quelque chose qui n'a jamais existé. Dans le combat spirituel, j'enseigne sur le type de voix. J'enseigne sur la voix de Dieu, la voix du diable. Et je parle de la voix de Dieu, la voix du sang, la voix de la maison de son père. Il y a des gens, la voix de son sang, la voix de la sorcellerie de leur famille les pousse à faire quelque chose. Il est convaincu de ça, mais c'est la sorcellerie. Donc il faut faire très attention. Donc c'est un peu ça la réponse que j'ai à te donner. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre? Merci, merci, merci. Waouh! C'est intéressant, on aurait pu prendre beaucoup de temps, mais à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Rassurez-vous que vous avez mis votre nom parce que là, on va signer les certificats. Du moins pour ceux qui étaient là, qui ont assisté à ce travail. Nous faisons la masterclass chaque samedi à 9h, de 9h à 11h, pendant toute la période ici de Moulim à 30. Le samedi prochain, c'est le docteur Luc. L'autre samedi, c'est le docteur David Kateva, parce qu'on a changé un peu. Il n'est pas d'ici. Il est à Kinshasa, je crois, aujourd'hui, pour un autre travail. Toujours masterclass aussi, quelque chose comme ça. Genre masterclass. Voilà, nous voulons des enseignements comme ça jusque le 28 décembre. Ça va nous aider. C'est ouvert à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas, faut que tout le monde soit béni. Alors nous allons remercier le Seigneur pour ça et nous allons prier. Remercier le Seigneur pour ce que tu as reçu comme enseignement et que la main de Dieu soit sur toi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces enseignements. Merci pour ton serviteur qui nous a parlé. Nous prions que ta grâce soit sur lui. Manifeste-toi, Seigneur. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. J'aimerais qu'on fasse une offrande pour bénir l'homme de Dieu, notre masterclass. Quelqu'un peut nous aider avec le panier? Albert? Maman Esther Maman Élise, aidez-nous ici devant. Tu as quelque chose? c'est toujours bien de se connecter à une grâce. Vous savez, les formations, c'est... Il faut toujours faire quelque chose. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont faire cela. Nous bénissons l'homme de Dieu. Tu as été béni. Non, laissez ici. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Laissez un panier. Non, non. Non, il n'y a pas de souci. On met ici. Thank you.